Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 287e numéro de notre podcast. Au programme de ce numéro d'août, des news et des reviews, à la fois VF et VO, et on va même faire un petit détour du côté des adaptations télé, une fois n'est pas coutume. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 287e épisode de Comic Stories. Avec moi pour cette émission du mois d'août, Anthony. Bonjour. Boris. Jusqu'à ce que ça coupe. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Oui, car vous n'avez pas entendu qu'il était présent au mois de juillet, mais il était présent. Il a été. J'ai dit bonjour. J'étais obligé d'enlever son bonjour du montage, puisqu'après il n'y a plus rien eu. Normalement, ça devrait tenir un peu plus aujourd'hui. Enfin, on va croiser les doigts. On va pas trop perdre de temps. On va commencer par de la VF. Après, on fera peut-être de la télé et on finira par de la VO. Du coup, ça permettra à ceux qui ne lisent pas de VO de nous quitter. On va peut-être faire comme ça aujourd'hui. Alors, si on regarde du côté de la VF, notre PPDA de Comic Stories, Boris, nous a trouvé des news. Donc, eh bien, c'est parti. Quel surnom magnifique tu m'as trouvé là, ça fait plaisir. Il n'y a que les gens de notre génération qui peuvent comprendre. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde effectivement, mais bon, une petite recherche internet et on trouvera facilement. Après, physiquement, je suis pas sûr que ça soit à mon avantage, mais bon, bah, écoute, j'accepte. C'est pas grave. Forme quand même. Hein. Bref, c'est pas grave, on diverge. Alors en VF, voilà, la news essentielle, on va dire, que j'ai trouvée, c'est l'arrivée de Aoi Comics, dont j'ai parlé. En VO, le titre de Wrong Earth, qui était très bon, vous pouvez aller voir sur le site, la review, qui vraiment m'a bien séduit, va débarquer en VF, et ça c'est super, c'est chez Delcourt, et c'est accompagné de deux autres titres du même éditeur, donc Second Coming, dont on a beaucoup entendu parler en VO. Le fameux titre que Vertigo n'a finalement pas voulu publier. Voilà, avec Jésus. Grâce au... Au cateau, on va le dire. Hein. Voilà, grâce à eux. Et donc, ça va arriver en VF à partir de fin 2019, début 2020. Et un autre titre que j'ai pas lu, qui est déjà sorti, Captain Ginger, que je connais pas, donc je n'en ai pas d'avis particulier. Donc, ces trois titres vont débarquer en VF et c'est plutôt bien, puisque c'est un éditeur qui démarre, hein, qui débute. Donc, à jeter un œil. Alors, sur The Wrong Earth que j'ai lu, y aller sans problème, hein. Conseille fortement. Et ils ont annoncé aussi, alors là c'est pour de la VO, des nouveaux titres, quelques nouveaux titres 2020, dont un préquel à The Wrong Earth qui s'appellera Dragonfly et Dragonfly Man. Donc c'est les deux héros, on va dire, deux des héros de la série qui vont être réutilisés. Donc je pense que là aussi, moi j'irai voir. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, un premier éditeur parmi tous ceux qui sont arrivés récemment. En éditeur indé, voilà, aux États-Unis. On attend aussi, pour l'instant il n'y a pas d'infos, mais TKO quand même, qui a fait des bonnes séries, les quatre premières que j'ai lues et qui étaient quand même de qualité. Pour l'instant il n'y a pas d'infos sur une possible sortie en VF, je ne sais pas ce qu'il en est. Et puis on attend aussi les quatre séries suivantes qui devaient sortir au début de l'été, là, mais bon, pour l'instant il n'y a pas d'infos. C'est un petit peu de retard peut-être. Voilà, ça c'est la première news. Alors moi ma préférée c'est quand même la suivante, parce que vraiment là, c'est du beau. Donc c'est en lien aussi avec la Comic Con Paris, qui dévoile petit à petit ses invités, et c'est de plus en plus alléchant, il faut le dire. Et parmi eux, il y a Liber Mero, donc qui sera présent, et Urban sort un artbook qui s'appellera Inside de Liber Mero pour l'occasion. Alors ça va sortir le 25 octobre, je crois, et la Comic Con ça commence le 25, le 26. Ça tombe pas trop mal du coup. Voilà, je pense qu'ils ont un peu bien calculé leur coût quand même. Hein. Et donc c'est un artbook exclu VF, ça n'existe pas en VO, c'est pas une adaptation. C'est vraiment. C'est même plus qu'un artbook, hein. C'est un vrai entretien avec Liber Mero sur toute sa carrière, sa manière de travailler, ses premiers pas dans l'industrie, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose, un peu comme ce qu'ils avaient fait sur. Ce qui était cette fois des adaptations de choses en VO, il y en a eu un sur Bruce Timm, je me rappelle, Et un sur un des deux auteurs de Fable, je sais plus lequel, où c'était vraiment pareil, 200 pages d'entretien, un très très long entretien sur la carrière de la personne en question. Donc là, il y a le côté artbook en plus, donc c'est cool. Voilà, ouais, c'est pas mal qu'ils prennent. Alors, ils ont souvent pris des initiatives, hein, on pense aux anthologies par exemple, mais c'est pas mal qu'ils développent voilà, des créations originales, on va dire. Ouais, non, non, c'est super bien. Et puis, Guy Bermero mérite bien ce genre de truc, donc. Oui, c'est pas un mauvais artiste. Non, c'est On clair. va Et en dire plus, ça. il est hyper sympathique. Donc, ceux qui seront à Paris Comic Con, si vous avez l'occasion de le rencontrer pour faire des dédicaces ou faire signer des bouquins, voilà. N'hésitez pas à discuter avec le bonhomme. Il est vraiment ultra sympathique. PCC, Paris Comic Con, qui du coup s'annonce quand même tellement bien que ça nous a décidé à sortir de nos terriers pour nous y rendre. A priori, on sera une grosse partie, voire tous présents. Au moins une journée sur le salon. Ouais, c'est bien parti pour, hein. C'est envisageable, mais c'est vrai que À voir. les artistes, vraiment, là, sont Ouais, donnent envie, quoi. ça commence à ressembler C'est à du lourd. Comic-Con, tout ça. Donc c'est cool. Voilà. C'est cool. Ouais. Côté VF, est-ce que quelqu'un avait des titres dont il souhaitait parler? Oui, Anthony, tu souhaitais parler, toi, du Batman bimestriel, ce nouveau format hein, que tu as testé. Première question. Pardon? Oh, Oui? vas-y. Non. Si, on t'entend. Alors toi tu ne nous entends plus, J'entends pas. mais nous Bah, on t'entend. c'est pas possible. On t'entend, hein? Ne t'arrête pas de C'est pas parler. possible. Je Je peux vous souffle. entends? Bah toi Ça, tu nous entends peut-être, je sais on peut pas, pas mais nous savoir. on Hein. t'entend en On peut tout pas le cas. savoir. C'est bon, je vous entends, je vous entends. Allez, Donc, Batman Batman bimestriel. bimestriel. Donc, effectivement, c'est la nouvelle de kiosque. Parce que là, ça reste du kiosque. D'Urban Comics. Donc, c'est énorme. T'es maudit, c'est Ouais, terrible. c'est ultra massif, ça fait. Ouais, ça coupe trop là. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose du coup sur de la VF? Puisque. Alors, moi je voulais peut-être dire un mot sur Justice League Dark, même si je ne l'ai pas lu en VF, je l'ai lu en VO, ça vient de ressortir. J'ai commencé à le relire en VO pour essayer de faire une review, puis j'ai pas eu le temps de finir, mais bon, je peux en dire un petit mot quand même, tellement c'est bon et tellement c'est à ne pas rater. Donc. C'est le pan magique de l'univers DC. Et donc, James Tynion IV, qu'on a vu sur Detective Comics pendant le Rebirth, là, au début du Rebirth, qui a fait un run d'anthologie, a repris la série. Alors, ça fait suite à ce qu'avait fait Scott Snyder, donc ça doit être No Justice. Je ne le maîtrise pas parce que j'ai pas lu, mais je crois que c'est ça qui avait installé, on va dire, un nouveau statu quo. Donc, le pitch est relativement simple. Voilà, le monde magique de DC est menacé de destruction et d'invasion par des entités maléfiques. Et donc, Zatanna va former une équipe pour défendre ce monde magique. Alors, c'est une équipe assez hétéroclite, puisqu'elle va réunir Wonder Woman, Zatanna, Constantine. Il y a aussi Détective Chimp, il y a Man-Bat, qui y a d'autres Swamp Thing. Enfin, voilà, c'est très Ça fait le tour. hétéroclite. Bah Wonder Woman, Ouais, non, tu l'as dit Wonder Woman. voilà, en gros, je vais peut-être oublier quelqu'un, mais bon. Voilà, et donc ils vont se réunir pour essayer de combattre ces entités. Et bon, voilà, je ne vais pas résumer davantage. C'est aussi ce qui fait la force de la série, c'est déjà la force de Detective Comics quand Tynion IV était aux commandes, c'est la gestion de l'équipe, la gestion des sous-intrigues individuelles pour chaque personnage, les relations entre les personnages, le développement, etc. de l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Je suis pas forcément fan de ce monde magique, on va dire, et je suis rentré dedans direct. Pas besoin d'avoir lu No Justice, puisque je l'ai pas lu et j'ai tout compris, donc ça c'est pas mal. Et une partie graphique également de haut niveau. Alors le tome qui est sorti chez Urban, c'est un gros tome qui contient les quatre premiers numéros de Justice League Dark et le crossover avec Wonder Woman. Donc il y a deux numéros Wonder Woman et deux numéros spéciaux introductifs et conclusifs pour le crossover. Donc c'est un gros tome et vendu pas cher. Hein. Je crois que c'est 22 € pour un nombre conséquent de pages. Donc ça, c'est super de la part d'Urban. Et voilà, je parlais de la partie graphique au départ. Donc il y a l'artiste qui est sur la série Justice League Dark et qui est encore au numéro 13, on est en VO, qui est Alvaro Martinez Bueno, qui est vraiment un artiste qu'on avait déjà vu un peu sur Detective Comics, mais là, qui s'occupe intégralement de la série, et c'est vraiment très très beau, très très régulier, vraiment impressionnant. Je pense que c'est un futur grand. Et après, sur les parties crossover, il y a Emmanuel Lupacino et un autre artiste, Jesus Merino, voilà. Et l'ensemble forme vraiment une partie graphique de haute qualité. Donc si vous n'avez pas pris, si vous ne connaissez pas, je conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment une... Pour moi, je vais peut-être dire... Moi, c'est la meilleure série d'ici que je lis. Alors, j'en lis pas non plus des tonnes, mais voilà, c'est vraiment solide et vraiment intéressant. Ah, c'est voilà, sûr que si à côté, conseille. Tu lis Batman, Detective Comics, c'est le meilleur. Quoi. Je subis Batman encore, effectivement, mais qu'est-ce que je lis d'autre? Je lis Flash. Ah oh, non, mais Flash, c'est super bien. Tu peux pas dire. Eh ben ça, c'est mieux. Voilà. Je non, le dis. Non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais lu le premier tome, le crossover aussi. Je m'étais arrêté pour continuer en TP. Et non, c'est vrai que j'aimais bien. Ouais. Et après, la suite est peut-être encore meilleure, même. Le deuxième arc, là, on arrive au 13. Franchement. J'attends le TP. Avec impatience. Ouais, peu importe la forme, mais honnêtement, c'est à lire. Franchement, je le conseille. Nous allons faire une deuxième tentative avec la quatrième dimension. Anthony. Oh. Alors, vas-y, lance-toi. Ok, donc Urban Comics, Batman bimestriel, on est toujours sur ça. Oui. Ok. Donc Batman bimestriel, donc c'est la dernière. Je vais essayer de parler très très vite, histoire que ce soit vraiment. Mais non, mais c'est pas possible. Non, on t'entend, t'inquiète. On t'entend, vas-y. Batman bimestriel. Oui. Oui. Bah là, on t'entend plus. C'est une blague. Batman bimestriel, donc c'est la dernière formule. Je pense que ce sera la dernière formule, on y reviendra, de la version kiosque d'Urban, puisque globalement, ça compile 15 épisodes. Donc, ils ont décidé de se recentrer sur Batman. Ça peut paraître idiot, mais dans la version d'avant, il y avait du Justice League. Là, ça a complètement disparu. On a donc la série Batman de Tom King, du Detective Comics, donc qui n'est plus par James Tynion IV. Et pour compléter le mag, on a l'ensemble de la mini-série Nightwing The New Order. Déjà un mot. Donc, de leur point de vue, je pense que c'est un bon plan d'avoir un très gros format. Ça doit être beaucoup plus simple à éditer, peut-être réduire les coûts. De notre côté, c'est intéressant financièrement, quoique, puisque augmenter au dernier moment, passant de 9,90 à quasiment 13 €. Pour avoir discuté avec le vendeur du comic shop, c'est vrai que c'était un petit peu le au moment de la commande, et ils sont un petit peu surpris du choix d'Urban quant à cette augmentation de prix. Bon, passons. Concernant les séries, donc Batman, il y a le numéro 50. Alors, ici, passe ce qui s'y passe. C'est plutôt un numéro hommage qui regroupe plusieurs artistes qui vont tous apporter leur point de vue sur la relation Batman-Catwoman, avec un récit fil rouge sur la rencontre et les motivations de chacun de s'allier, de se mettre la bague au doigt. Bon, effectivement, rien n'est simple, donc il va se passer quelque chose à la fin auquel on s'attend. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que le côté romance qui peut ou n'arrivera pas ou arrivera peut-être marche plutôt bien. Il y a toujours cette narration en miroir de Tom King qui maîtrise parfaitement. Ça fait réellement partie de lui, donc de ce point de vue-là, pas de souci particulier. La suite, beaucoup plus intéressante. Mr. Freeze, donc deux arguments pour moi qui font que ces deux numéros, à savoir 51 et 52, sont assez immanquables. Et j'en dirai pas plus. J'en dirai réellement pas plus. Ils sont que complètement la partie Batman... dingues, tu veux dire. Bon. Ah non. Oui. Hein. Vas-y, continue. Ok. La suite des Detective Comics. Alors, il y a un premier numéro par Michael Morecci et Sébastien Fiumara. Pardon. Excellent. Numéro de transition entre la fin de Tynion IV et le début de Brian Hill, que je n'ai pas lu, pour être tout à fait honnête. C'est très beau, et c'est le retour de Blackfire, qu'on avait vu notamment dans Batman Eternal. D'ailleurs, c'est adressé dans un petit cartouche au cours de la lecture. Donc, le numéro marche bien dans les bas-fonds de Gotham, dans les égouts. Numéro à ambiance, très bien servi par les dessins de Fiumara. Comics, je ne l'ai pas lu du tout. Non, ça m'intéresse pas tellement. Je trouve que la prestation de Tynion IV était Bah, j'avais envie d'arrêter là. Et pour ce qui est de New Order, l'idée de base, l'introduction, le synopsis, c'est comment dire, bien senti, puisqu'on voit Nightwing qui, après un drame à la mort de Civil War, va choisir le camp de la loi et priver tous les super-héros de leur super-pouvoir, ce qui fait qu'on les contrôle, et ça va peut-être rejoindre une prochaine critique qu'on va faire plus tard dans l'émission. Donc voilà, c'est mettre à mal les super-héros, contrôler la population, sécurité, hein, comment débat philosophique classique. Les deux premiers numéros marchent bien. Je trouve que la mini-série s'effondre largement sur la fin, à grands coups de trahison sur trahison, de personnages qui prennent un camp, changent, tournent, reviennent pour finalement choisir le bon côté. Vraiment, je trouve que la fin vire dans le plus banal. Maintenant, encore une fois, vous avez la mini-série pour 13€ plus les numéros de Batman et Detective Comics. Donc si vous étiez intéressé par cette mini-série, je vous conseille d'y aller. C'est financièrement intéressant. Maintenant, pour le reste, très honnêtement, cette formule, pour parler, bon, pour moi, je ne continuerai pas, puisque quand on nous annonce un TP Green Lantern, ça ne m'intéresse pas. Et le prochain encore, donc d'ici 6 mois, un numéro qui contient du Birds of Prey, pas tellement. Donc voilà. Je pense qu'Urban est réellement coincé avec le run de Batman et qu'ils peuvent pas se terminer. Ils peuvent pas clore le mag tant que Tom King n'aura pas fini son run. Tout porte à croire qu'ils vont laisser mourir le kiosque jusqu'au numéro, il me semble, 80, un truc comme ça, de Tom King, et publier directement la mini-série de conclusion qu'il lui-même a annoncé directement en librairie comme Batman à la vie à la mort. Moi, je vois ça comme ça, et le kiosque Urban s'arrêtera à ce moment-là. Donc, la formule peut paraître intéressante quand on regarde le prix. Maintenant, quand on se penche sur le sommaire, plus tellement, je trouve. Ouais, c'est trop disparate pour que ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Oui. C'est ça le souci. Moi, c'est pareil, j'ai pris le premier numéro. Bon, j'ai relu les épisodes de Batman et c'est tout. J'ai pas eu le temps de lire le reste. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que je vais pas, sans doute pas prendre la suite parce que ça fait quand même un prix. Hein. On a passé le seuil du 10€ quand même. C'est un seuil symbolique. Et voilà, nous, enfin, le lecteur habituel peut encore se permettre voilà, de prendre 12,90€. C'est vrai que le kiosque, il y a une partie des gens qui pouvaient le prendre ponctuellement, etc. Là, à 12,90€, on hésite quand même. Hein. Ça fait quand même déjà un petit investissement. Donc, je suis pas sûr. Et moi aussi, j'ai le même ressenti que toi. Je pense qu'ils vont continuer jusqu'à la fin du run de King. Et puis après, ça va s'arrêter. Remarque. Mais bon, il reste encore une trentaine d'épisodes. Donc, ça fait quand même une dizaine de numéros. Quoi. À mon avis, on en a encore pour un an du Batman bimestriel. Ouais, voilà. Et puis ça. Ouais, je pense que. Après, c'est vrai que rapport nombre de pages, prix, ça reste. Oui, c'est imbattable. Hein. Voilà. C'est imbattable. Mais c'est trop fourre-tout. Voilà. C'est que. Faut vouloir lire Batman. Et en plus, la série Detective Comics, est très moyenne, hein, a priori. Et, et puis, les récits complets, bah, là aussi, on va passer du cosmique avec Green Lantern. Là, on a. Du Nightwing, enfin voilà, c'est vraiment très différent et tout le monde n'a pas envie forcément de lire tous ces récits complets. Donc, ça peut paraître con, mais par exemple, il ferait un bimestriel qui comprendrait en backup, vu le titre que je vais annoncer, c'est un peu dur, mais en complément, qui regrouperait par exemple le Batman Damned. Ah oui, tu annonces du gros là. Ça peut paraître très gros bimestriel, mais il y a écrit Batman sur la cover et t'as Batman bimestriel et le mois prochain je me retrouve avec un TP Green Lantern. Bon. Ah oui, non, mais c'est clair que oui, c'est pas lisible. Pour en revenir aux épisodes, donc j'ai relu le 50 que j'avais lu en VO et là à la relecture je me suis ennuyé moi. C'est très beau, comme tous les épisodes du run de Tom King. Hein. Kel Ranin et puis tous les invités font du bon boulot, à part un ou deux qui se sont un peu, qui ont un peu bâclé le boulot. Mais voilà, les scènes présentes en jeu de miroir, comme tu as dit, Anthony, sont plutôt bien faites. C'est vrai que c'est assez bien écrit. Par contre, tous les textes sur les pin-up là, qui sont faits, j'ai trouvé ça pénible à lire et pas très intéressant quoi. Donc voilà, puis après effectivement on va pas revenir sur le dénouement, on avait peut-être déjà parlé, je sais plus, mais enfin bon, je pense que maintenant c'est connu de tout lecteur, on va dire c'est pas le dénouement que beaucoup attendaient, et je pense que ça va dans Tom King, on comprend au fur et à mesure ce qu'il veut dire, hein, ce qu'il veut écrire sur Batman, mais je pense qu'il a raté une occasion aussi d'écrire quelque chose d'autre, voilà, une relation entre Catwoman et Batman, donc voilà, c'est un peu décevant. Après les deux autres épisodes, alors avec Mr. Freeze, il reste un épisode, hein, l'arc n'est pas fini, qu'il est coupé. Effectivement, oui. c'est sans doute le meilleur arc de Tom King sur Batman jusqu'à maintenant. Et vu ce qu'on lit depuis une quinzaine d'épisodes, je pense qu'il ne fera pas mieux. Oui, cet arc-là est tranquille. Ouais, je pense que c'est la palme sans problème. Donc, mais c'est vrai que c'est un arc excellent et dessiné par Lewis. Bon, là aussi, on peut difficile. Défense. Ouais, c'est vraiment très bon, mais bon, si on veut la fin, il faut acheter le bimestriel. Et bah, la fin, elle te coûtera 13 balles, mon bon monsieur. Voilà, c'est ça qui est un peu. Ils auraient peut-être pu mettre la. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui vend, hein. Mm-hmm. Mais bon, ça aurait peut-être été pas mal de le finir là et de revoir la répartition, mais bon, on n'est pas. C'est eux qui vendent leur truc, donc. Ouais. Donc voilà. Allez, on va quitter la VF, on va passer à une partie télé rapido. Tu nous as dégoté deux news télé qu'on va faire en express, hein, puisque c'est deux adaptations qui ont été commandées de séries indées plutôt en vue en ce moment. C'est pas grave, on a rien entendu. Oui, alors moi je les ai notés, je vais pas commenter plus que ça parce que je regarde pas de série, hein, je m'y suis toujours pas mis. La première c'est Paper Girls, série de Brian Kevogan et Cliff Chiang, que je lis avec du retard, mais que je lis et qui est excellente. Et qui effectivement peut proposer un vrai univers avec un vrai potentiel sur écran. Alors voilà. On va pas se. Voilà, Amazon veut son Stranger Things. Ouais, je connais pas non plus. Mais je suis là. Voilà, c'est ceux qui regardent Stranger Things et qui lisent Paper Girls, voilà. Ceux qui aiment la série de Netflix sont souvent des personnes qui aiment ce comics-là parce qu'il y a quand même des thèmes en commun, etc. Et voilà, Amazon voilà, a voulu sans doute. Paper Girls. Oui. Ce sera supervisé par Brian Kevogan, je crois. Hein. Ah, tant mieux. On peut espérer quand même un respect de l'œuvre initiale qui soit pas mal quand même. Bien, si la série pouvait expliquer le comics, ce serait pratique. Qu'il est méchant. Petit guide de lecture. Non, je suis d'accord, moi j'ai lu le tome 1 et. J'ai arrêté. Ouais, mais il faut rentrer dedans. Faut continuer et après, ça, on devient accro. Ouais, j'en suis qu'au 3, je crois. Il y en a 2 qui sont sortis là. Je me suis pris le 5, là, il faudrait que je le lise. Mais il paraît qu'il faut continuer et on devient accro, mais je n'ai ni le temps ni l'argent pour continuer tout ce qu'il faut continuer pour devenir accro, malheureusement. Je deviens de plus en plus sélectif et le premier tome ne passe pas, bah derrière, bah j'arrête quoi. Il y a beaucoup trop malheureusement de choses qui sortent maintenant pour que je m'accroche, voilà quoi. Mais bon. C'est bon. Oui, vas-y, la deuxième. Non, je te laisse râler si tu veux. Je te laisse un. J'ai petit... d'autres occasions après, t'inquiète. Voilà. Alors la deuxième, c'est Farm N. Bon là, tu vas pas râler. Ah, pas là, du tout. Qui va être adapté en série TV. Alors j'ai pas de détails en aptitude, mais j'ai pas noté où, par qui, comment. Mais là aussi, univers hautement original et qui peut donner quelque chose de très bien. Et la série est excellente. N'a pas besoin d'explication. Non. C'est relativement clair. Et là, on en est au numéro 10, le deuxième arc vient de se finir en VO. Ouais, non, c'est exceptionnel. C'est toujours aussi bon. Hein. Et vu le ton que prend la série avec son deuxième arc et tout, c'est ce que je vous disais en off avant les émissions, on peut se trouver avec une belle série horrifique, avec de beaux effets bien faits, un peu oppressantes et tout. Il y a moyen de faire de belles choses avec l'univers graphique de cette série. Ah ouais, c'est clair. C'est avec ce qu'on peut voir dans d'autres séries, effectivement, avec Farm Hunt qui prend une orientation qui était très surprenante. En fait. Inattendu. On était parti sur un truc léger, voire drôle par moment. Avec un petit semblant de d'espionnage industriel et tout, et là on se retrouve dans un truc un peu glauque, horreur. C'est glauque, très très très bien. Violent. C'est très très bien. Ouais, violent, et en série, ça peut vraiment, si c'est bien fait et tout ça, ça peut vraiment être cool. Hein. Après, le dessin de... La question que je me pose, je ne sais pas, c'est du coup de savoir, ça serait sur quelle plateforme. Eh bien, Boris, je ne sais pas non plus. Eh bien, voilà, bonne question, je n'ai pas la réponse, je vais chercher. Ah bah voilà. Sur... AMC. Tu savais en fait, c'était pour me. Ah, c'est AMC, oui, c'est AMC. Oui, c'est AMC, donc ils essayent de trouver leur nouveau The Walking Dead, sûrement. Ouais, je sais pas, mais en tout cas. Ça irait bien sur AMC. Hein. C'est une série, c'est une chaîne qui, du coup, a le potentiel de faire un truc un peu pour un public mature, donc c'est cool. Non, c'est cool. Ouais, ça serait cool. Après, le dessin de Rob Guillory est tellement original et particulier. Je pense que pour ceux qui suivent la série, on risque d'être un peu, peut-être pas déçus, mais bon, voilà, une adaptation avec des images. À voir, après, là, je vois que c'est Guillory lui-même qui va charger d'écrire le pilote. Donc, il sera le producteur exécutif. Donc, à voir, mais c'est déjà rassurant s'il y a le créateur derrière. Bon, après, tu me diras, c'est rassurant, mais quand on voit la galère que c'est pour l'adaptation de The... alors, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais le dernier homme, en français. Why the Last Man. Why the Last Man. À voir, mais ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et du côté télé, du coup, pour quitter le rang des news, vous avez tous les trois, je crois. Alors moi, je n'ai pas commencé cette série, je sais que je vais la regarder. Non, pas tous les trois, puisque Boris, tu ne regardes pas de série. J'ai lu début des comics. Ouais. J'avais lu le tome 1 aussi, que j'avais trouvé très accrocheur. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté d'ailleurs. On parle bien sûr de The Boys, la nouveauté dispo sur Amazon Prime Video. Donc Clément, Anthony, vous avez regardé ça et apparemment je ne divulgâche rien en disant que vous avez kiffé. Ouais, complètement. Alors moi, j'ai jamais lu de comics. J'ai jamais lu The Boys. Tu as jamais lu de comics, toi ? Non. J'ai jamais lu The Boys. Quel escroc, il nous fait des reviews depuis, c'est je sais ça. Pas. Enfin, il avoue. Ouais, c'est ça. J'ai un gros escroc. Non, j'ai jamais lu The Boys, même si bien sûr j'en avais entendu parler pour son nom irrévérencieux et autres. Donc c'est vrai que partant de là, bon bah, j'ai un regard qui est totalement neutre sur la série. Même si j'avais une idée de l'univers, de ce qui attendait, sur à quoi on pouvait s'attendre. Et putain, j'ai kiffé. Alors déjà, 8 épisodes au moins, même si ça paraît court, en fait, finalement, ça passe très rapidement. Tant d'accord. Hein. C'est à la fois court et à la fois, je trouve que c'est la durée parfaite parce qu'en fait, t'as pas de temps mort, t'as pas d'épisode bouche-trou comme tu peux avoir même sur les séries de Netflix hein, qui sont en 13 épisodes. Donc, c'est oh, bien, tu sais, Netflix, vraiment... c'était Netflix. Defenders, c'était en 8 aussi. Hein. C'est vrai, oui. Donc, oui, mais oui, c'est ça, c'est une bonne série et une mauvaise série, quoi. Ça s'enchaîne super bien. Franchement, j'ai dû me regarder la série en l'espace de 2-3 jours, quoi. Chaque épisode fonctionne, il y a un fil rouge qui est constant, chaque épisode t'as envie de voir la suite, bref, c'est vraiment excellent. Et les acteurs, ils sont juste géniaux, quoi. Mention spéciale, moi j'ai... Enfin, Anthony Starr, que je découvre, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans d'autres séries, même si apparemment il a eu sa renommée grâce à Banshee. Il est en Homelander, il est juste énormissime. Et Karl Urban, qu'on connaît pour le coup, je l'ai trouvé excellent. Donc, sur l'aspect point de vue série, c'était génial. Et sur le traitement qu'ils ont apporté par rapport à l'univers de The Boys et par rapport à la critique aussi de l'industrie du comics et de l'univers, le message de fond est juste génial. Quoi. Et j'imagine, et c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant certains articles, qu'ils ont adapté le propos par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est formidablement bien fait. C'est extrêmement... Enfin, il y a des défauts, comme toujours, mais c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment une critique de la société actuelle et une critique aussi de l'industrie du comics. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper plaisant à suivre. Et c'est quand même assez trash, mais graphique. Enfin, c'est graphique et trash, et ça, c'était cool. Et toi, Anthony ? Ouais, je suis plutôt d'accord. Plutôt carrément d'accord. Que rajouter de plus ? Je trouve, oui, que le personnage... Bon, Karl Urban, oui, c'est un bon Billy Butcher, est un bon personnage. Moi, je trouve vraiment que le Homelander, cette version-là du Homelander, la version série, parce que comme Clément, je n'ai pas lu The Boys, c'est un comics que je vois toujours revenir quand tu lorgnes un peu du côté, vraiment dans la cave du super-héros. J'entends vraiment le côté indépendant du super-héros, The Boys revient toujours. Par contre, dès que tu tapes The Boys sur Google Images ou quel que soit le site pour visualiser un peu le dessin, c'est du Derek Robertson et c'est très moche. Donc j'ai jamais osé acheter le truc. Pas super fan de Garcenis, mais bon, passons. Mais là, en tout cas, cette version-là du Homelander, moi je trouve que le personnage, en plus du jeu d'acteur, vraiment le personnage est parfait, vraiment parfait. Il vire pas au destructeur sanguinaire ou au violeur complètement déglingué. On est sur quelque chose d'un petit peu plus subtil. Le mec a un complexe d'Oedipien. Vraiment, il a un côté xénophobe total, misanthrope, mais en même temps le côté marketing ultra présent. Enfin, ça brasse ce personnage seul. Vraiment, le côté Homelander brasse pas mal de trucs, pas mal de thématiques, et t'as lui tout seul ce que moi j'aime bien dans l'annexe du super-héros. Personnage, hein, The Deep, donc en gros l'Aquaman a dit pas mal de choses aussi dans le fond. Starlight, c'est un petit peu plus frontal parce que c'est vraiment le train du hashtag MeToo et de toute cette dénonciation du système patriarcal hollywoodien, donc qu'il faut, hein, enfin, je dis pas que c'est pas bon, à ceci près que l'épisode 4 envoie un énorme coup dans les burnes au comment, ah, je perds mes mots. Ah bah là, au côté entendre le dernier mot était clair. au côté religieux des États-Unis, au côté puritain, voilà, des États-Unis, c'est ça, c'est ça, c'était puritain que je cherchais. Et des dérives. Et le personnage de Starlight est utilisé aussi pour dénoncer ça, et oui, de ce point de vue-là, sur ce faisceau-là, ça marche carrément bien. Et même Queen Maeve est une meilleure Wonder Woman que Gal Gadot. Ouais, c'est... Je crois que t'as bien résumé. T'as bien résumé. La série, en fait, est vachement subtile, étonnamment. C'est pas cradingue, c'est pas crasseux, c'est pas cracra, c'est pas lourdingue. Plutôt très bien surpris. C'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas ce côté bourrin, mais quand ça va être trash, j'ai envie de dire, c'est globalement justifié, en fait. Contrairement à d'autres séries où tu vas avoir du trash pour du trash, là, quand tu as des moments qui sont relativement, qui sont assez trash, bah, en fait, finalement, on se rend compte que par la suite, ça va être très justifié. Bon, dès le premier épisode, il y a ce côté trash, et ça va aller par la suite, mais c'est vrai que c'est très bien écrit, très bien construit, c'est vraiment... Bon, forcément, c'est un miroir jouant totalement, ou la critique, et c'est là où j'étais surpris. Je trouvais ça vraiment que ça a marché hyper bien. C'est vraiment la critique, effectivement, de l'Amérique puritaine, et du coup, tout l'aspect religieux. Ça a été fait très intelligemment. Et dernier coup, ça répond pas mal. On m'entend toujours ? Oui, oui. Oui, vas-y. Ça répond pas mal au. Alors, effectivement, c'était beaucoup plus consensuel, mais à ce que disait Mysterio. De pas Homecoming, Far From Home, qui disait les gens veulent voir ce qu'on leur fait voir, et c'était plutôt bien vu. Et ben ok, ben je sais que c'est dans ma liste, hein, mais du coup je vais regarder ça pas trop tarder. Par contre, dernière ultime remarque, ça n'a rien à les Daredevil de Netflix n'ont rien à envier à The Boys, hein, non, oui, c'est clair. Okay. Tout le monde est là à vanter le mérite indépendant de The Boys, mais Daredevil sur Netflix, c'est du très très bon. Oui, c'est The Boys dans son genre, c'est très bon. C'est totalement différent, en fait, mais parce que l'objectif est en soi du comic, c'est différent. Là, c'est clairement une critique de l'industrie du comics et de la société de consommation, parce que clairement, durant toute la première saison, mais c'est clairement une critique de la société de consommation. Ça se pose des questions, parce que c'est vraiment marchandisation de tout, mais vraiment de tout à outrance, et qu'on n'a pas dans Daredevil, mais c'est un propos qui est différent. Mais encore une fois, je pense sincèrement que c'est l'un et l'autre sont comparables. Je pense que c'est deux œuvres incomparables du fait même du propos que ces séries induisent. Mais honnêtement, c'est en adaptation de comics, je pense que c'est relativement fidèle, même si forcément pour adapter, ils ont forcément une liberté, mais du point de vue purement série, c'est une excellente série, et c'est certainement une des meilleures séries de comics de l'année 2019. Ça doit être certainement l'une des meilleures, et c'est certainement une des meilleures qu'on a eues depuis 2-3 ans, je sais pas, comme ça, mais franchement, c'est vraiment à voir, même si on n'a pas lu le comics. Et moi, honnêtement, ça m'a donné envie de lire le comics, et ça a le mérite vraiment d'accrocher même ceux qui n'ont pas lu le matériau de base. Ça, c'est fort. Très bien. J'allais passer à la VO, mais j'ai l'impression, Anthony, que c'est encore de la VF ce que tu as dans ta liste. Non, j'ai plus de VF. Hein. Tu n'as plus de VF, parfait. Alors, on va pouvoir passer à la VO. Donc, amis lecteurs de VO qui ne souhaitent pas trop entendre parler de titres qui ne sont pas encore sortis, vous pouvez a priori nous quitter ici, puisqu'on ne reviendra pas sur la VF. Et puis, pour vous laisser le temps de partir tranquille, on va commencer par quelques actus VO. On va commencer avec des choses du côté de chez DC. Boris. Oui, alors d'abord DC qui lance un nouveau label, on va dire, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Tales from the Dark Multiverse, qui vise à revisiter les classiques. Donc les deux premiers, c'est Batman Nightfall et La mort de Superman, mm-hmm. sous forme de one-shot intégré dans l'univers métal qui avait été lancé par Scott Snyder. Donc voilà, c'est la revisitation, je ne sais pas comment on dit. Hein. On va dire que c'est... La revisite, c'est bien. Hein. La revisite, c'est pas mal. Ouais, bon, alors, la revisite, c'est pas mal. Voilà. de ces classiques sous le regard métal. Alors, moi, ça ne m'attire pas trop. Je pense qu'ils surfent, et on en reparlera sans doute tout à l'heure dans les reviews, sur le succès de métal de Batman ou Loaf, etc. Pour lancer ces one-shots. Alors, ce sera des one-shots. Le premier, le Knifefall, c'est par Scott Snyder. Et le deuxième, La mort de Superman, c'est par Denis Opless, je crois. Donc, je sais pas si ça vous intéresse. Moi, perso, ça m'intéresse pas du tout, mais bon. Ah, c'est des what-ifs, quoi. Absolument. Enfin, voilà. Voilà, c'est un peu du what-if. Ouais. Moi, j'en ai marre de... Alors, j'ai Batman Wolof. Certains se demandent encore pourquoi, mais... Oui. mais c'est terminé, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette exploitation, cette surexploitation de métal, et de, voilà, ça commence à me gaver un petit peu. Après, c'est bien, hein, on reproche souvent aux éditeurs, Marvel le premier, hein, de lancer des events et de ne pas en tenir compte dans la suite, et de ne pas intégrer les choses dans la continuité, et de ne pas avoir de répercussions, etc. Là, pour le coup, on a eu un truc qui a été lancé par Snyder, qui a plutôt bien marché, et qui a encore des répercussions aujourd'hui, alors que ça fait un an et demi que c'est terminé. Lui, son espèce de petite création au sein de l'univers d'ici s'étend, prend de plus en plus de place, etc. D'un côté, c'est bien de fonctionner comme ça. Ouais, mais faut pas que ça devienne automatique. Le problème, c'est que quand tu oublies que t'as un univers principal et que celui-là, tu le développes plus, quoi. Oui, voilà. Puis là, moi, il y a une série Batman Superman qui va commencer au mois d'août par Joshua Williamson. Qui prend la suite de Batman. Voilà, je me disais c'était pas mal, etc. Et puis là, on a eu des détails. Et puis en lisant le dernier épisode de Batman Wolof, on comprend que il va encore y avoir du je sais pas quoi Wolof dans la série. C'est la même série qui change de nom quasiment. Hein. Ouais, donc tout de suite, moi, ça me motive moins, quoi. Voilà. Quand c'est trop utilisé et répétitif. Après, j'ai pas lu Metal, ça m'a pas intéressé au départ. Là, j'avais pris Batman Wolof parce que c'était le duo Snyder-Jock que j'avais bien aimé sur Black Mirror. Mais voilà, c'était ça ma motivation. L'univers Metal ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Ok. Et est-ce que voir Warren Ellis, et, bon, malheureusement, c'est Brian Hitch avec lui, mais voir Warren Ellis, du coup, sur une mini-série, enfin une maxi même, Batman, ça t'intéresse plus? Un petit peu plus. Alors, Brian Hitch ne fera que la partie graphique. Il a aussi dessiné de la Justice League au début de Rebirth. Hein. Je peux vous remontrer des images de sa prestation. Hein. Je me souviens plus. C'est surtout quand il était au scénario que c'était mémorable. Mais Warren Ellis, oui, il y a très longtemps que j'ai pas lu quelque chose de lui. Je me dis sur du Batman, ça peut être pas mal. Alors, ça s'appelle Batman's Grave. Je me dis, pourquoi pas, allez voir le premier épisode et puis voir ce que ça donne. Ça me tente un peu plus déjà. C'est sous le Black Label, je crois. Oui. Ouais. Ça commence en octobre ou novembre, je ne sais plus, puisque je l'ai mis dans mes précommandes. Je l'ai mis dans mes précommandes d'octobre. Oui, ça doit être octobre, oui. Donc ça, pourquoi pas, allez voir et puis on verra, on jugera sur pièce. Quoi. Maxi en 12. Ouais. Normalement, en espérant que ça soit bien ça, que ça soit pas prolongé si ça marche, etc. En général, le Black Label se tient plutôt à sa numérotation. Ouais. Et puis, alors, on va couper le micro de Clément, ça lui évitera d'avoir d'entendre des petits gémissements de plaisir. Hein. Mais Jeff Lemire revient chez DC, enfin, revient un peu plus en force que ce qu'il faisait, puisqu'il est toujours sur Terrifix, hein, faut pas l'oublier. Il a quitté la série. Ah bon, moi je vois que la série continue, donc pour moi il continue à l'écrire, mais ça se trouve non, hein, tu sais. Non, il me semble qu'il a quitté, je crois, au bout du numéro 12, en fait. Ok, bah écoute, il revient du coup avec deux projets qui ont l'air quand même pas mal, notamment le premier avec un duo qu'on aime bien voir. Voilà, le premier qui s'appelle Joker, donc qui à mon avis parlera du Joker. Et qui sera, donc qui va réunir Jeff Lemire et Andreas Tino, qu'on a un petit peu vu quand même sur Green Arrow il y a quelques années, qui avait fait de belles choses, qu'on voit en ce moment sur Guiden Falls. Bah, le binôme a explosé aux yeux du grand public, voilà, sur ce projet de Green Arrow. Ouais, c'est Guiden Falls qui est pas mal non plus, hein, on peut le dire. Donc voilà, même si Joker, ça ne m'excite pas tant que ça, le duo, voilà, peut faire que je vais sans doute aller voir le premier épisode et voir ce que ça donne. Mais ça peut être pas mal. Et le deuxième, c'est sur The Question, donc toujours Jeff Lemire. Alors là, il y a deux dessinateurs, Denis Cowan et Bill Sienkiewicz. À partir de novembre, donc là aussi, tentant quand même. Hein. Ouais. Alors Joker, je crois que c'est pour octobre. Ouais, c'est octobre et l'autre c'est... Ouais. 30 octobre, Joker, Killer Smile, et Killer Smile exactement, pour le nom de la mini, qui est une mini en trois parties dans le Black Label. avec En une espérant que ça ne nous fasse pas comme Batman Damned. couverture variante pour le premier épisode qui est assez folle. C'est-tu la variante? Je sais plus, mais je sais juste qu'elle est très belle et que c'est celle-là que j'ai prise, c'est tout. Voilà. Je me souviens pas. Oui, vous irez jeter un œil sur les internets, vous qui nous écoutez, pour voir ces covers. Mais en tout cas, oui, beau projet. Et puis The Question, ça m'intéresse aussi. Un autre projet pour Tom King, après Batman. Alors, c'est un projet sur Adam Strange par Tom King et Mitch Garrett, donc l'équipe Pareil, le binôme, quoi, maintenant. Mister Miracle, et quelques épisodes de Batman aussi. Bon, bah, c'est, a priori, c'est, je crois que c'est prévu aussi sous format de mini-série. Bon, bah, si c'est du niveau de Mister Miracle, c'est un bail direct, hein, on ne se pose pas de questions. Si c'est dans la Batman, il faudra tester, puis après on arrêtera. Hein. Voilà, Oui. à peu près. Le perso, enfin voilà, ça me laisse, enfin me fait ni chaud ni froid. J'ai pas d'atome crochu particulier avec ce personnage, mais bon, sur Mister Miracle non plus au départ, et voilà, ça a été un coup de cœur énorme. Donc, s'il fait le même genre de travail, ça sera du très bon. Ouais, on va continuer en express sur les deux dernières, parce qu'il y a encore beaucoup de nouvelles. Il y a eu la Comic Con de San Diego, hein, donc beaucoup de choses sont tombées. Hellblazer revient du côté de chez DC, et pas forcément là où on l'attendait. Voilà, dans le Sandman Universe. Alors, le scénariste, ce sera Simon Spurrier. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est un scénariste que j'aime bien, qui a fait des Il est bonnes séries super doué. indées. Ouais, qui a fait des bonnes séries indées. Sur Sandman, j'avais lu le premier arc. C'est pas facile à lire. J'ai décroché après, mais c'était quand même de qualité. Donc là, je me dis que Hellblazer, c'est un personnage que j'aime bien. Par ce scénariste, c'est pas mal. Mais après, pourquoi le... Enfin, pour l'intégrer dans le Sandman Universe, moi, je trouve que ça aurait été bien de faire une série Hellblazer, tout court. Vertigo n'existe plus, faut le mettre quelque part. Oui, je sais bien, oui, mais ils ont plein de trucs là. Le Black Label, ils auraient pu Ah, mettre le ça Black dedans. Label aurait pu, oui, mais Voilà. le problème du Black Label, c'est qu'il va y avoir tellement de séries dedans qu'il y aura plus de séries que l'univers classique. Donc, C'est vrai. ouais. Après, comme c'est Spurrier qui écrit Sandman, peut-être qu'ils veulent faire des connexions entre les deux séries, je sais pas. Ouais, et puis c'est pas déconnant. Enfin, il peut y avoir des ponts Ouais. intéressants. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et le Et la dernier, dernière, c'est alors un le beau dernier. binôme aussi sur un Ouais. méchant que moi j'aime bien. J'ai pas trop de détails, mais donc c'est Mister Freeze de Sean Murphy et Klaus Johnson. Alors Sean Murphy sera uniquement au scénario et Klaus Johnson au dessin. Alors moi, Sean Murphy au scénario, j'ai toujours un peu du mal. Je suis pas trop fan. Ça La dépend sur dernière, quoi. le Batman White Knight, j'ai pas accroché. Mais sur ce qu'il avait fait en indé, comment ça s'appelait? Punk Rock Punkrock Jesus, Jesus, c'est c'est ça? formidable. Ça, c'était bon. Ah, c'est Mais c'est vrai que extra le ça. Batman White Knight, j'avais pas aimé. Donc là, à voir aussi. Alors, et puis Klaus Johnson au dessin, j'avoue que je ne sais plus trop ce que ça donne. Oh, ça Je sais pas donne si. bien, ça donne bien. Ouais. Oui. Je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas lu Oui, de non, trucs du monsieur. Donc, ça donne bien. J'ai souvenir d'une petite variante cover sur Green Arrow qui nous a fait sur la fin de la série qui était assez divine. D'ailleurs, qui sert de cover au TPB, je crois. Bref, on va pas faire les. Vas-y. Tout ça fait pas mal d'annonces hors série classique, on va dire quand même. Oui, c'est Hein, clair. c'est des trucs en parallèle, on va dire, beaucoup chez DC quand même. Mais peu de choses se passent du côté de l'univers principal Ouais. qui peine un petit peu à avancer. Mais bon, voilà. On va faire quelques reviews maintenant, et peut-être du coup les reviews DC, et puis on passera à Marvel après. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de chez DC? On a pour toi, Boris, toujours Oui, le fameux, la fameuse fin de Batman Woolof, si tu veux nous en dire quelques mots. voilà, je lis du Snyder, Batman par Snyder en ce moment. Repens-toi. Comment? Repens-toi, c'est un chemin de croix, c'est excellent, putain. Attends, j'ai rien dit encore. Mais... Non, mais alors, je suis pas un grand fan de Snyder sur Batman. J'ai son run des 52, j'avais bien aimé le début, mais alors après, ça m'avait un peu lassé. Là, donc, c'est le numéro 7 de Batman Woolof. Alors, j'avais parlé du 5, je crois, dans un précédent podcast. C'est possible. Je sais plus. Le début de la série était plutôt bien, plutôt engageant. Le Batman Woolof arrivait sur Terre à Gotham et voulait s'emparer de la ville et transformer le Batman original, on va dire, avec son sérum pour qu'il devienne comme lui. Et ça a bien démarré, puis ça a commencé à patiner un peu, même si ça a eu beaucoup de succès. À partir du 5, ils ont annoncé qu'il y aurait un numéro supplémentaire, le 7, puisque normalement c'était en 6. Et je trouve que depuis le 5, justement, ça patine un peu quand même, même si le 6 a relancé un peu la machine. Donc là, c'est la fin. Depuis 3 ou 4 épisodes, le sérum fait son effet dans le corps de Batman, petit à petit. Donc il y a un suspense là-dessus, va-t-il être transformé ou pas ? Pendant ce temps-là, il y a une joute à la fois verbale et physique entre les deux. Et d'un autre côté, il y a le commissaire Gordon et son fils qui essayent de lutter de leur côté contre le Batman Woolof et son équipe. Là. Le point fort, clairement, du comic, c'est quand même les dessins de Jock, qui fait un travail sublime dans l'horreur. C'est vraiment très très bon. Par contre, au niveau histoire, j'ai trouvé que ça s'est tiré en longueur. Et ça aurait sans doute été mieux en 5 ou 6 maxi parties. Ça aurait été mieux. Donc, sur l'ensemble, sur l'épisode correct, mais bon, voilà, j'étais un petit peu lassé, on va dire. Sur l'ensemble de la mini-série, un peu déçu quand même. Le démarrage annonçait quelque chose d'un peu mieux écrit, un peu plus étoffé. Ça s'est vite résolu entre un conflit entre les deux. Et puis un suspense sur est-ce que Batman va ou pas être transformé. Et puis, on en parlait tout à l'heure, donc à la fin, effectivement, on révèle que l'horreur continuera dans le Batman Superman. Donc là, moi, ça m'a un peu... Enfin, j'avais vu la news avant, mais ça m'a un peu agacé. Mais voilà. Donc c'est moyen dans l'ensemble et pas excellent sur ces dernières épisodes. Ok. Quelques impressions pour ma part sur Flash Year One. L'arc en cours sur la série Flash de Joshua Williamson, qui est présent depuis maintenant 75 numéros sur la série, donc ça commence à être un joli run. Moi j'aime toujours, hein, franchement, ça fait toujours le boulot. J'avais un petit peu peur avant que cet arc commence, d'une bonne vieille retcon des familles. Au final, il s'en sort plutôt pas mal dans la manière d'intégrer ça dans la continuité. Voilà, il retombe sur ses pattes. Pour le moment, hein, moi j'ai pas encore lu 75, j'ai lu 74, mais j'ai pas encore lu le gros numéro 75. Et en tout cas, moi pour le moment, je suis plutôt satisfait de cet arc et de la série en général. Hein, moi, la série Flash, depuis le début de Rebirth, je trouve que quand même c'est un bien joli voyage, donc je suis content. Ce qui me plaît là dans cet arc Year One, c'est que. Il y a quand même quelques petits trucs subtilement écrits. Tout ce qui est utilisé est utile. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Puis graphiquement, c'est toujours constant dans la qualité. Sans compter les covers et variantes qui sont. Voilà. On est vraiment gâtés de pour les yeux là sur la série depuis le début. C'est cool. Toi, tu lis aussi, Boris? Oui, moi je le lis et je l'ai fini. Alors est-ce que... Alors sans révéler l'histoire, je donne mon avis quand même. C'est pas grave, tu vas pas être... Bon, tant que tu me spoiles pas sur la fin de l'arc, ça va, tu sais, tu peux dire. Ah non, non. Mais si tu parlais de gros épisodes, et en fait, gros épisode, il est coupé en 3 parties, si je me souviens bien. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tiers de l'épisode qui termine l'arc Year One. Oui, moi je dis gros en termes de pages, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans du tout, voilà, j'ai juste reçu donc, un gros Moi aussi, je m'attendais à comme c'était un numéro king size, je m'attendais à une fin bien dense, bien explosive, et en fait, il n'y a qu'un petit bout dedans, et donc j'étais un petit peu déçu quand même. Connaître, ça fait un peu, je termine mon histoire bien comme il faut. Donc ça, c'était un peu décevant, et puis la suite, c'est de l'introduction pour l'arc suivant, et puis il y a une partie Year of the Villain, qui ne m'intéresse pas spécialement, donc... Voilà, la suite de l'épisode m'a pas intéressé follement. Sur l'ensemble de l'arc, effectivement, c'est du très bon, du très très bon. C'est effectivement bien écrit. Je trouve qu'il y a des toute la relation avec Iris, etc. Je trouvais bien fichu. Oui, donc, moi j'aime bien ce vilain, la Turtle. Là, franchement, c'est cool. Ouais. Ça le fait. C'est pas mal. Et puis c'est vrai graphiquement. Alors si je me trompe pas, parce que c'est Scott Collins au dessin. C'est pas Howard Porter. Ah si, Howard Porter, voilà, j'étais sûr que j'allais me tromper. C'est vraiment super. Vraiment, je trouve qu'en termes de découpage, de mise en scène, c'est assez original et faire des moufs, quoi. Il y a un vrai travail qui est sympa à l'œil. Donc un bon arc, peut-être peut-être un des meilleurs depuis le début du run, qui est effectivement une vraie constance dans la qualité. Ouais, Force Quest était un petit peu un ventre mou. Ouais, c'est toujours un peu ça, quoi. Mais globalement, sur l'ensemble du run, quand même, c'est de bonne tenue, quoi. Franchement. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de King sur Batman qui va arriver avec sa mini-série, une centaine d'épisodes. On parle pas trop de Joshua Williamson, mais quand même qui fait un long run. Pour le moment, lui, son départ n'est pas annoncé, et il est toujours là. Hein. Voilà, ouais. Donc c'est bien. Non, c'est cool. Voilà pour DC, je crois Non, pas. Ah j'avais si, un autre titre, Last hein. Knight Bon, allez. Honors, moi j'avais Voilà. bien aimé le premier, j'avais été plutôt accroché, Snyder Capullo, presque à ma grande surprise, j'avais trouvé le premier Oh. numéro franchement accrocheur, et même graphiquement, j'avais du mal avec Capullo sur Batman sur la fin, où Oh. tu... Ah si, sur la fin, je trouve qu'il était, fallait qu'il change un petit peu d'air, et ma foi, il revient là sur le sur Last Knight Honors, et... Ça le fait aussi graphiquement, donc je ne sais pas ce qui m'arrive. Boris, est-ce que le numéro 2 t'a laissé aussi une bonne impression? Je ne l'ai pas encore lu. Alors, c'est toi qui m'avais convaincu d'aller voir la série, hein, parce qu'au départ, j'avais prévu. Donc, j'ai pris le 1 qui m'a aussi beaucoup plu, je dois le reconnaître. Et par contre, le 2, alors je sais pas, j'étais peut-être pas en forme quand j'ai lu, parce que j'ai lu les deux Batman là, de Snyder, la suite. Oui. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était moins sympa. J'ai trouvé ça très bavard cette fois-ci, très, très poussif dans la première partie. Donc, pour résumer, c'est un monde futuriste et Autant bavard voilà. que Batman 74? Batman 74, c'est lequel Dans le celui-là? désert, quelle horreur! Bah, c'est pas bavard ça. Non, si, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de parler, il y a des bulles partout. Tu lis encore les bulles sur le Batman de Ah Tom bah, King? franchement, non. Là, Faut sur ce numéro, j'ai sauté des trucs parce que franchement, regarder c'était les images. insupportable. C'était insupportable. Non, là, c'est bavard. Et donc, il était censé partir essayer de retrouver le Superman. Pour voir s'il pouvait sauver le futur, etc. Et là, je trouve que c'est très long à démarrer pour cette partie-là, avant qu'il retrouve ou pas, je vais pas trop spoiler, le Superman. Et puis après, ça va un petit peu mieux, mais bon, le cliffhanger donne envie d'aller voir la dernière partie. Hein. Je vais finir la mini-série, là Oui, aussi, puis mais c'est en 3, donc... voilà, c'est court. Et voilà, moins intéressé, plus déçu, un peu bavard, un peu longuet, un peu poussif. Après, voilà, c'est vrai que le premier épisode était très très bon, vraiment quand même. Donc on peut espérer que la fin soit du même niveau que le premier. Suffisamment bon pour que je le mette sur dans le premier quart de ma pile, hein, quand j'ai reçu ma commande. J'ai mis Batman Last Knight on Earth numéro 2 assez haut dans la pile. Hein, donc... Ah, tu prépares ta pile en fonction. Oui, je prépare D'accord. ma pile en fonction de ce que j'ai Ah. plus envie de lire. Ok, très bien. Donc j'ai pas hâte d'arriver à la fin au final, tu vois. Puisque je sais même pas ce qu'il y a Voilà. en bas de ma pile, mais c'est pas... Ouais. Ça reste toujours en bas, tu n'arrives jamais en bas de la pile. Bon. Bah y a certaines séries, ouais, il m'arrive parfois qu'un numéro du bas de la pile bah, refinisse au bas du colis suivant. D'accord. C'est comme ça que je prends du retard sur certaines séries, mais bon. Effectivement. Voilà, Bah voilà bon. pour On va voir. DC, on va passer à l'indé. Maintenant, tu n'as pas noté de news côté indé, je crois. Non, j'en ai pas noté. Je vais Et en parler, parce que j'en pourtant, parlerai et dans le. pourtant. Ah, vas-y, tu as quelque Ah. chose à dire. Giant Days à Snareward. Ah, ah oui, j'avais pas pris ça comme une news, mais Ah bah c'est bien. c'est formidable, c'est génial. Un nouvel Eisner pour la série, meilleure série régulière du coup. C'est ça hein, Je le sais prix qu'ils plus. ont eu, je crois. Meilleure série régulière, meilleure nouvelle série pour Gaiden Falls, si je ne me trompe Oui. pas. Ça, Clément est au courant. Évidemment. Mais non, un nouvel Eisner, deux Eisner même cette année pour Giant Days, c'est Et un top. Eisner pour une française. Oui, Oui. aussi, c'est vrai. Non, c'est cool. La série va s'arrêter, et s'arrête du coup sur une belle note avec deux Eisner. C'est pas dit que l'année prochaine, elle ne remporte pas encore un truc, puisque ce qui sort cette année est encore éligible pour les prix de l'année prochaine. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil à Giant Days qu'on aimerait bien voir revenir chez Akileos. Les 4 mois sont passés. Oui, bah oui. Et moi, je les ai interrogés sur Facebook et j'ai pas une réponse, moi. Alors que d'habitude, ils répondent quand même. C'est un petit peu. Ça m'inquiète. Du coup, j'ai précommandé le dernier numéro en VO, parce que c'est le dernier et Le que voilà. As Ask Time. Time Ouais, Goes moi By, aussi, je voilà. l'ai pris, ouais. Pour Voilà. le. Et puis j'ai réussi à trouver bah, les TP, ce qui ne sort pas chez Akileos. Voilà, j'ai réussi à en trouver 2 à 5 € sur Amazon. Donc, c'est Ouais, pas moi bien ce aussi, que j'ai fait. C'est pas bien ce que j'ai ils fait, sont. mais. Ils sont dans mon panier et j'attends que Aquilos annonce ou pas Le 7 et la le 8, suite. voilà, pour Bon. même pas le prix d'un seul tome en VF, j'ai dit, bon, allez. Petite infidélité pour 2 tomes, quoi. Non, ça c'était pas bien ça. Mais bon, Mais bref. le scénariste revient avec une mini-série en 5 là. Oui, Steeple. Septembre, Steeple. Je voulais voir si c'était. Non, c'est pas la Non. même dessinatrice. Mais Non, non. elle fait Mais des bon, moi variant cover. c'est. Ah, okay. Moi ça je sais pas, je suis pas les variants de cover, Ah mais je bah te fais moi, confiance. je regarde bien ça. Et c'est, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, non, bah c'est déjà précommandé, clairement. Oui, Steeple, oui, Max Sarin fait la variante cover, la cover B du numéro 1. D'accord. Voilà. pour ceux qui veulent. Voilà. Et John Allison fait la couverture A du numéro 2. Voilà. C'est précis. Oui. C'est bien. Il faut, quand c'est Giant Days, il faut. Voilà. Et je ne l'ai pas noté, mais puisque tu parles d'un dé de série, j'ai vu qu'il y avait James Tynion IV, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et qui est quand même un des scénaristes en forme, hein, qui va lancer une série indé. Alors attention, évidemment, je lance ça comme ça sans avoir préparé la chose. Sans parachute ni rien. Non, je ne sais plus chez qui c'est. Je vais trouver ça tout de suite, normalement. Je crois que je l'ai si précommandé, mais il faut juste que je. Bah oui, moi aussi, mais il faut que j'arrive à accéder à ce site merveilleux. C'est en septembre et ça s'appelle Something is Killing Children. Et c'est chez Boom Studio. Voilà. D'accord. Et donc, c'est précommandé aussi. On verra ce que ça donne à la lecture. Mais bon, le monsieur fait quand même des bonnes choses. Hein. Oui, ça va, il se débrouille. On va voir ce que ça va donner en indé. Il se débrouille pas mal. Et puis, on va passer à quelques chroniques, du coup. Indé, du côté de l'AVO. Tu en as pas mal, Boris. On est trois. Ouais. Tu en as tous les trois, effectivement. Est-ce que tu peux nous faire en express de chez Express Middle West? D'accord, je vais faire vite alors. Middle West, Scotting, Georges Corona au dessin et Jean-François Beaulieu aux couleurs. Je le cite parce que ça a son importance. Donc, j'avais dû en parler aussi une fois d'un épisode, je ne me souviens plus. C'était une série qui avait démarré un petit peu difficilement. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec son père. Son père pète un peu les plombs, a des accès de colère. Et un jour, il est tellement en colère qu'il se transforme un peu en une espèce de monstre et touche son fils. Et son fils a... au niveau de sa poitrine, un espèce d'artefact magique qui lui cause les mêmes choses, c'est-à-dire que s'il s'énerve, il devient une espèce de monstre, voilà, et donc il veut essayer de comprendre ce que c'est, et il part loin de son père à l'aventure pour essayer de trouver, et il est accompagné d'un renard qui parle et qui va l'aider. Voilà en gros. Alors c'était un petit peu loin démarrer, maintenant on en est au numéro 9, et depuis le 6, ça s'est accéléré. Scotty Young développe bien son univers et j'accroche vraiment bien maintenant. Et puis surtout, les dessins de Georges Corona colorisés par Jean-François Beaulieu, c'est la classe. Franchement, moi j'adore, c'est vraiment très beau. Donc, à recommander, à dépasser le tome 1 si vous prenez en TP et que vous trouvez ça un peu moyen, c'est mieux à partir du 6. Voilà, c'est bon. Et bah, là, franchement, c'est pas mal en express, ouais. Hein alors, de l'indé, qui est quand même de l'indé, même si c'est croisé avec l'univers DC, le crossover, le fameux crossover entre Black Hammer et Justice League a démarré. Il n'y en a qu'un qui est sorti pour le moment, hein. Oui, le 2 sort la semaine prochaine, je crois. Donc, je l'ai lu, bien sûr, pas aussi religieusement que Clément, mais je l'ai lu tout de même. Et ma foi, ça démarre pas mal. Je trouve. C'est un peu toujours un peu casse-gueule hein, de croiser deux licences comme ça, qui sont pas dans le même univers, qui a priori n'ont aucune raison de se rencontrer. Toujours un peu frileux, moi, de voir ça. Et là, pour le moment, le père Lemire s'en tire bien, je trouve. Je sais pas vous, mais... Oui, moi je l'ai lu. Très sympa, très sympa. Alors c'est un épisode introductif hein, qui met en place les choses, mais le jeu de miroir entre les deux univers est plutôt bien fichu et bien trouvé. Et pour les amateurs que nous sommes de Black Hammer, on est tout de suite dedans quoi. On boit du petit lait. Et si en plus, voilà. Si en plus on a lu Trillium et qu'on aimait les petits jeux d'écriture que pouvait avoir Jeff Lemire sur Trillium, on est aussi à la maison avec ce numéro là. Qui est écrit d'une manière, voilà. Il y a un petit jeu d'écriture, pareil, qui, au niveau de la temporalité, au niveau de la façon dont est présentée l'histoire et dont sont présentés les deux univers du coup qui vont se rejoindre. Et franchement, ça m'a rappelé Trillium, donc c'est un bon point, ça. Et Michael Walsh au dessin, c'est pas mal. Je trouve que ça, oui. sont très bien adaptés à l'univers Black Hammer. Tout à fait. Donc, bah, vivement la suite, du coup, pour voir comment tout ça va se goupiller. On demande pour la forme à Clément s'il a aimé. Mais vraiment, pour la forme. Tu as un quart d'heure, évidemment. Mais non, non, mais oui, non, mais enfin, je rejoins ce que vous avez dit. C'était pas un chef-d'œuvre, je vais pas abuser. Mais c'était sympa, quoi. Surtout que moi, je suis pas, par rapport à la publication BO, je suis pas du tout, je suis pas la publication BO, mais l'application BF pour Black Hammer. Donc, j'avais un peu peur de pas m'y retrouver, d'être perdu, que ça fasse référence à d'autres événements qui est là. Et en fait, pas du tout. Et c'est tant mieux parce que ça aurait pu être très bien très casse-gueule. Et même si c'est un numéro introductif, bah, ça pose des bases qui sont sympas, quoi. C'était cool de, c'est juste cool, en fait. Oui, c'est ça, tout le monde peut lire. Hein. Tout le monde peut lire, qu'on connaisse le Black Hammerverse ou pas, qu'on soit au tome 1 ou au dernier numéro en cours de Age of Doom, peu importe, c'est accessible pour tout le monde. Je pense que ça va rester indépendant. C'est un petit plaisir pour les lecteurs et pour le scénariste, je pense. Voilà, il suffit de savoir ce qu'est le Black Hammer, et après, derrière, derrière ça déroule, quoi. Donc, bien. Du côté indé, qu'est-ce qu'il nous reste, Anthony? Toi, c'est du Marvel. Et ben, il te reste, toi, Boris, du coup. Ah oui, il y a Sea of Stars. Ah, aussi. Il te reste Killers, tiens, allez, Killers. Qu'est-ce que c'est? Allez, je me lance. Killers, c'est la dernière mini-série de chez Valiant. Donc, les mini-séries de chez Valiant, j'en ai commencé beaucoup, j'en ai fini pas beaucoup. Je dois le reconnaître récemment. Et celle-là, elle est plutôt pas mal. C'est dans l'univers de Ninjak. Donc, je ne sais pas si vous avez lu Ninjaké de Christophe Gage, là, qui est sorti en VF. Ah non, tout. Bah, alors là, ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu de Valiant. Pareil, ouais. Alors, c'était très bien. Vous lirez la chronique sur le site, vous serez convaincu, j'en suis sûr. Dans cette mini-série, Christos Gage développait l'univers des ninjas. Donc, il y avait le ninjaka et différents ninjas formés au fur et à mesure des années, etc. Et il avait bien développé ceci. Et là, le scénariste, donc c'est Claymore, et au dessin, c'est Fernando Daimino, que je ne connais pas. On reprend un peu le principe, l'ambiance thriller d'espionnage, un petit peu, avec d'anciens ninjakés, enfin ninjas différents, alors c'est pas K, là c'est G et J, qui se sont un peu rangés des voitures, voilà, après le programme qui les avait mis sur pied, et qui se retrouvent confrontés à mystérieux ennemis qui soit éliminent un membre de leur famille, soit leur cause des soucis, et vont essayer de découvrir ce que c'est que ce problème. Et donc ça va vraisemblablement encore avoir à voir avec le programme qui avait été mis en place. Bon début de série, assez mystérieux, très, voilà, très polar d'espionnage. Les dessins de Dagnino, là, que je ne connais pas, tout à fait adaptés, très sombres, voilà, avec un ancrage un peu épais qui conviennent très bien. Très bon départ, honnêtement. Je vais aller voir la suite. Alors, c'est en 5. J'espère que j'irai jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de séries Valiant, quoi, là, que j'ai lu 1, 2, 3 épisodes, puis finalement, je me suis dit non, ça vaut pas le coup de continuer en single. Là ça a l'air pas mal. Je suis plutôt content. Voilà, okay, à conseiller, cool. À voir. Cool, cool, cool. Et puis, la fin de deuxième arc de Farman, on en a parlé un tout petit peu quand on a parlé tout à l'heure. On a annoncé la commande de la série. Enfin, bon. Je vais faire vite aussi. Hein. On a donc effectivement, ça a pris une autre dimension dramatique, plus une dimension insoupçonnée, on va dire, hein, puisque les petites expériences de la ferme ont pris des proportions incommensurables. Ouais. Voilà. Cet épisode, pas grand-chose. C'est un peu la suite. Voilà, il termine son nouveau statu quo avec les différentes révélations qu'il y a eu au fur et à mesure de l'arc. Il va y avoir des choses de mise en place pour essayer de résorber tout ce bazar qui a été mis sur pied. Et évidemment, il y a un petit cliffhanger sur la dernière page qui change tout, forcément. Et évidemment, attendre le mois de novembre pour voir la suite, ça va être dur, compliqué. Mais c'est toujours aussi bon. Tous les dessins, c'est toujours vraiment très, très, très, très bon, très original. On en a parlé tout à l'heure. Un indispensable du moment. Oui. Voilà. Une future grande série, sans doute. Oui. Donc, au même titre que Chou, quoi. Voilà, on pourra le ranger fièrement à côté. Probable. J'ai pas lu Chou. Ah bah, tu vas vite dire. J'ai les trois premiers TP que j'ai trouvé moi aussi à bas prix récemment, mais j'attendais l'intégrale. J'étais court, la fameuse intégrale qui devait sortir, mais bon, je crois que je suis pas sûr que ça sorte. Je sais pas. Je me suis dit allez. Je pense qu'ils attendent, qu'ils gardent ça sous le coude pour quand une éventuelle adaptation sortira, parce que c'est dans les tuyaux, et pour sortir ça de manière concomitante. Mais pour le moment, ça ne vient ni d'un côté ni de l'autre. Bon. Du Voilà. côté indé, je crois que c'est tout ce que Ouais. l'on avait à traiter. On va donc terminer tranquillement par du Marvel, avec pareil, qui dit mois de San Diego, dit quelques annonces. On parlera pas de tout ce qui est Phase 4 et compagnie, hein, évidemment. Qui est-ce que j'ai zappé? J'ai zappé Clément, peut-être. Pourquoi j'ai zappé Clément? Ah oui, il y a Sea of Stars, c'est vrai. En plus, c'est que de l'amour, cette série. Enfin, ce numéro 1, en tout cas. Donc, si tu veux parler de Sea of Stars, vas-y. Il se laisse pas faire, hein. Il réclame. Ah, Bah mais... oui, évidemment. C'est qu'il Évidemment, il faut bien qu'on mordrait. entende un peu. Ouais. Hein. Ah, mais ça va être rapide, mais c'est cool quand même de parler d'une nouvelle série. Alors, une série très courte, je crois, ça va être en 4-5 numéros, c'est Je ça? sais même pas. Alors là, je vais complètement me laisser porter par le truc, je ne lis aucune news. C'est une mini-série, mais je sais plus, je crois que c'est très court. Mais quoi qu'il en soit, donc Sea of Stars, c'est une série qui a commencé au mois de juillet, de Jason Aaron et de Dennis, alors ça doit se dire sûrement Alum, je pense. On va dire ça comme ça, oui, vu C'est l'orthographe. ça comme ça. En fait Denis Soples, hein, c'est le même, mais c'est son vrai nom. D'accord. J'ai découvert ça aussi, D'accord, c'est le ok. même gars. Et au dessin, Stephen Green et Rico Renzi. Alors, comme ça fait un mois que je l'ai lu, je me souviens plus trop des personnages et autres, mais grosso modo, quoi, c'est de la SF. C'est de la SF où, en fait, l'histoire se passe dans l'espace et on suit, enfin, du moins le début du comics, suit dans un vaisseau son père et son fils. Alors, je sais plus exactement pourquoi, mais ils doivent chasser ou un truc comme ça. Oui, Tu te souviens? ils sont embringués dans une opération dans l'espace. On voit très vite que papa et son fiston sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Un C'est petit ça. problème de communication, on va dire. Problème de communication, il va se passer un petit événement qui va faire que tous les deux, ils vont être séparés. Et donc l'histoire part de là, et comme tu l'as dit Mathieu, c'est voir que de l'amour. Hein. Non, c'est vraiment bien, Franchement, c'est vraiment bien ce numéro 1. c'est super fun, c'est, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est rafraîchissant, mais enfin, déjà moi, dès le premier numéro, j'ai été conquis par la relation entre le père et le fils. C'est simple, c'est un père et son fils qui n'arrivent C'est pas à ça. communiquer, qui vont être Et qui vont se séparés séparer. par le destin, qui vont devoir se rapprocher à la fois du coup dans leur relation et bah, de manière matérielle, hein, puisqu'ils sont quand même très loin l'un de l'autre Ouais. maintenant. Voilà, y a pas grand-chose de plus simple dans termes d'écriture d'une relation père-fils, C'est ça. mais c'est diablement efficace. Voilà, Ouais, c'est du Jason complètement. Aaron dans le texte, quoi. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu Jason Aaron. Et là, c'est, enfin, c'est, ouais, c'est simple, l'histoire est simple. C'est écrit, c'est super bien écrit, les dialogues top. Les dessins sont très beaux, très beaux, et ça sert parfaitement le corps, Oui, donc non, il n'y a pas, ça fonctionne, ça marche. c'est, ça marche, quoi. C'est pas un bijou, j'irai pas jusque-là, mais encore une fois, c'est très bien. C'est une des bonnes nouveautés de l'été, clairement. Ouais, bonne nouveauté, quoi. Et même si c'est une mini-série, bah, c'est une mini-série qui vaut clairement le coup. Quelque part, c'est encore mieux quand c'est court, parce qu'au moins, Ouais, on sait jusqu'où on... complètement, complètement. Ouais, moi je l'ai vu, c'est très sympa, effectivement. J'ai pas grand-chose de plus à dire, mais ouais, un bon début. Par contre, je cherche, j'arrive pas à voir hein, si c'est une mini-série ou Moi, il y a rien, j'ai l'air y a rien de d'une précisé. dans les sollicitations, il n'y a rien qui dit que ça va s'arrêter. Ouais. Peut-être une news qui traînait par là. Une Ou peut-être qu'ils se lançaient aussi sur un premier arc en se disant le projet c'est de faire une mini en 5 ou 6. On va voir si ça marche et auquel cas on en fera une ongoing. Et puis voilà, c'est sûr que aussi. j'avais trouvé. Je sais pas pourquoi j'ai lu le truc. Goddamn, t'es pas prêt d'avoir la suite. Hein. De quoi? Comme The Goddamn, t'es pas prêt d'avoir la suite. Hein. Ouais, Bah, c'est le problème il avec Jason commence Aaron. quand même. Hein. Monsieur est très occupé par ce qu'il fait pour les grosses maisons et du coup il crée des choses et il ne les continue pas forcément. Donc tant qu'à Non, j'ai rien faire, vu s'il pouvait apparemment. terminer son truc et que ça fasse un arc ou au moins une mini qui se tienne sans qu'on soit sur un cliffhanger à la fin qui nous dise putain, faut qu'on. Manifestement, c'est pas une mini-série, hein. J'ai dit conneries. Après, il est en tandem avec Denis Bon. Soples. Donc ils peuvent Ouais, il se va passer peut-être le prendre la flambeau sur suite quand l'écriture. même. Ouais, c'est vrai. Voilà, C'est ça vrai. peut sentir aussi le truc. Jason Aaron lance le projet parce que c'est l'idée qu'il a eue avec son pote et au final il va être là pour écrire le premier arc avec lui et derrière. Bah, il dit. Alors, je retombe là sur un truc de concret de Comic Blog qui présente. Denis Soples présente le projet comme un croisement bizarre de deux intrigues déconnectées. Voilà. D'accord, C'est merci, à voir. merci Denis. Du coup, bah, ne vous en tenez pas à cette déclaration hein, pour juger le titre. Hein. Lisez-le, ça sera Oui, mieux. complètement. Le Complètement. monsieur ne fait pas forcément une bonne pub de Enfin. son numéro. Bref, on va passer à Marvel, du coup, avec quelques news. Alors la première, je l'ai vue dans les sollicitations, j'avais pas vu de news passer là-dessus, j'ai découvert ça dans les sollicitations. X-Men Grand Design a super bien fonctionné. Donc on se dit sans doute du côté de chez Marvel, on va faire d'autres séries en mettant Grand Design dans le nom. Mais sauf que, y a juste un problème, c'est que c'est pas Ed Piskor. Enfin, ce n'est pas Ed Piskor qui veut, je pense. Oui, c'est Tom Scully. Alors, je ne connais pas Tom Scully. Je sais pas. Quelqu'un connaît, vous connaissez ? Avec Venom, Grand Design, avec Cullen Bunn, ça va être dur. Hein. C'est, ah. C'est le frère de Dana, peut-être. Du coup, voilà, bref. Ok, j'ai pas compris. Ça doit être une. J'ai pas suivi. Petite référence télévisée des années 90. Alors, oui, non. Je suis trop vieux. Oui, je l'ai noté. Effectivement, oui, je pense qu'ils surfent sur le. Oh, bah, clairement, enfin. Design. Il faut même faire les couvertures par Peace Corps. Donc, il y a un petit moment, voilà, c'est même pas discret, quoi. Donc, pourquoi pas. Après, c'est vrai que les FF, c'est sans doute, effectivement, une équipe. Qui peut fonctionner sur ce genre de projet. Donc ça, pourquoi pas. Après, moi, je sais pas ce qu'il dessine, Tom Scully, je sais pas comment il dessine, est-ce que ça peut être intéressant, donc à découvrir. Mais bon, c'est vrai que ça fait, là aussi, ça fait un peu surf sur un truc qui a marché, et puis on va en... Surtout que Marvel, ils sont assez spécialistes hein, quand même dans ce genre de truc. Oui, il y a un truc qui marche, du coup, on va le mettre dans l'univers. Voilà, on sort 50 trucs dans le même genre, donc bon, à voir, peut-être tester, je sais pas, X-Men Grand Design, moi j'ai pris les singles et j'ai toujours pas lu, donc j'ai pas d'avis à donner, mais a priori les avis étaient quand même assez unanimes pour dire que c'était assez exceptionnel à voir, mais bon, c'est vrai que comme c'est pas le même donc les références hein, de ce Tom Scully, c'est quand même Transformers versus G.I. Joe. Okay. Oh putain, bon bah alors on en a pas parlé alors. La sollicitation de Marvel, c'est quand même un bijou, quoi, je veux dire. Marvel et ses sollicitations à chaque fois, c'est de l'or, enfin limite des fois je les lis juste pour voir comment ils vont vendre un nouveau titre foireux, quoi. Donc ça commence quand même because you demanded it. C'est vrai que tout le monde demandait Fantastic Four Grand Design, tout le monde, je n'arrêtais pas de voir passer des tweets là-dessus, donnez-nous Fantastic Four Grand Design, on le veut. Bon, déjà, voilà. Hein. Et puis donc, du coup, ça nous est apporté par le critically acclaimed cartooniste Tom Scioli. Donc, c'est les deux références qu'ils mettent, entre parenthèses, hein, comme du coup, c'est ses œuvres majeures, j'imagine. Hein, Godland et Transformers versus G.I. Joe. Ouais. Okay, bon, écoute, on va pas juger. Hein, mais... Je pense que tout est dit. Voilà. Sinon, à part ça, deuxième news que j'ai vue, la sortie d'une série. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est mini, pas mini, j'en sais rien. De ce qui s'appellera Spider-Man Full Circle. C'est un one-shot. Qui... Ah bon, c'est un one-shot ? C'est juste un one-shot à 10 balles. Ah bah voilà, j'ai mal lu alors. Donc... Enfin, c'est un one... Non, pardon, je la refais. C'est un one-shot Marvel. Voilà. Oui, donc. Ouais. C'était la deuxième partie de ce que je voulais dire. Alors, c'est un one-shot qui va regrouper quand même des artistes qui donnent plutôt envie quand même. Au scénario, Nick Spencer, Jonathan Hickman, Jerry Dulian, Chip Zdarsky, Ali Wynn, Jason Aaron, Kelly Thompson, donc pas du mauvais. Au dessin, Michael Allred, Greg Smallwood, Chris Prouse, etc., Chris Bacalo. Bon, ils vont faire donc un one-shot, a priori, donc, de 96 pages. Oui. Comment ils vont s'en sortir pour arriver à tous bosser là-dessus, je sais pas trop. Donc, sur le principe, pourquoi pas, les noms donnent envie. Hashtag Marvel Comics. Voilà, le format, pas sûr. Le prix, beaucoup moins. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est les projets qui m'agacent chez Marvel, quoi. Des projets cash machine, quoi, clairement. Voilà, oui. Alors, je pense que ça sera sans moi, en tout cas. Même si, bon. Voilà, il faudra vraiment que les critiques soient. J'attendrai d'avoir des critiques. Et puis, si c'est génial. Ouais. Voilà, les numéros à 10 balles, ça, $10, c'est casse-pied. Et puis on a eu également récemment l'annonce, enfin la confirmation peut-être pour certains, de ce que va être la ligne X-Men une fois que House of X et Power of X seront terminés, avec des séries, des noms classiques hein, qui reviennent, enfin classiques de l'histoire mutante qui reviennent sur le devant de la scène pour des séries, enfin voilà. C'est assez sobre, je trouve, au niveau des titres. Donc, voilà. Ouais, alors, il y en aura quand même 6. Hein, donc, pour qui veut suivre toutes les séries, ça va quand même falloir faire des heures sup. Hein, parce que, bon, ça fait quand même beaucoup de titres. Et puis, bien sûr, je suppose que les numéros 1 seront à 6 $. Je vais dire ça tout de suite. Le X-Men 1 est à 4,71 € du coup sur Arconia. Donc, ouais, ça doit être un 4,99 €. Ouais. Voilà, ouais. Mais. Après, bon, je pense que ça ne sera pas nécessaire de tout lire, hein, si on veut suivre un peu. Moi, il y en a une ou deux qui... Bah, celle scénarisée par Hickman, X-Men et New Mutants, pourquoi pas. Pour l'instant, on va peut-être en parler après, ce que fait Hickman sur ces deux mini-séries, là, c'est carrément emballant pour l'instant. Il y a une série avec Gary Dugan que j'aime bien en général. Et puis, par contre, le reste, il y a du Ben Percy, du Tiny Howard, dont tout ce que j'ai lu m'a fortement déçu à chaque fois. Voilà, enfin, de toute façon, je n'avais pas prévu de tout prendre. Hein. Mais voilà, ça fait beaucoup de séries quand même, je trouve. Si je peux me permettre une remarque, ça, je me projette un peu, ça fera un super kiosque ou un super mensuel Panini. À 10 euros. Peut-être même 15 ici, là, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont un sommaire tout constitué. Mais t'inquiète pas, ils vont bien te mettre ça dans X-Men, dans Wolverine, dans truc, dans machin. Oui. Ils vont bien te saucissonner ça comme il faut, t'inquiète, ils savent faire. Et j'espère qu'ils vont s'en faire. Et tu espères que? J'espère qu'ils vont me saucissonner tout ça en 2-3 mag plus 2 hors-série, histoire que... Bah bien sûr, ils vont t'en coller un dans Venom, tu sauras pas pourquoi eux non plus, mais il sera dedans. Et puis voilà. Oui, ils vont prendre les noms les plus parlants et pas forcément les meilleures séries, ce qu'ils ont déjà fait dans certains kiosques. Donc... Bien. Enfin bon, voilà, donc... Alors toutes ces séries arrivent hein, sous la bannière Dawn of X, qui est donc l'étendard, le surtitre, on va dire, de cet univers, nouvel univers X-Men, chapeauté par Hickman, voilà. Octobre ou novembre, ouais. Pour les séries. Ouais, c'est ça. Excalibur et X-Men arrivent en octobre, et le reste, c'est pour après. Donc on dit un mot de House of X et Power of X ou pas? Bah oui, parce qu'on a plus de news, donc du coup oui, on va commencer du coup là-dessus des impressions hein, parce que les numéros 1, un peu événement quand même de House of X et Power of X, voilà, X-Men qui revient, Jonathan Hickman qui revient sur une grosse franchise Marvel, qui va la reprendre en main, voilà, ça fait frémir Anthony et avec des vieux souvenirs d'Avengers. Oui. Donc forcément, voilà, et quand tu découvriras ça en VF, tu penseras au premier numéro d'Avengers et de New Avengers d'Hickman, puisque clairement, on est dans la même façon d'écrire. Et il y a des diagrammes circulaires avec des ronds partout. Mais tu n'imagines même pas à quel point tu as raison. L'histoire est entrecroupée de pages, de textes, un peu en mode... data, des espèces d'infographies et tout. Enfin, si, vraiment, tu seras à la maison. Ça fait vraiment penser à ce qu'il a fait sur Avengers. Il y a même une espèce d'alphabet qui a été créé, encore une fois. Il y avait quelque chose d'assez similaire hein, pour Avengers. Il y a un alphabet qui a été créé pour ces deux séries-là. Je me suis pas amusé à traduire du coup le texte qui est marqué sur la dernière page. Je suis sûr qu'il y a des trucs que ça veut dire quelque chose, mais je me suis pas amusé à le faire encore, à décoder lettre par lettre. Mais voilà. Voilà. Avec les deux mini-séries, mais qui en fait ne sont qu'une. Pour faire qu'une, hein, puisqu'il va falloir. Il y a un ordre de lecture particulier en plus. Hein, c'est pas l'autre un sur deux. Il y a des choses. Il y a un numéro qui sort par semaine. De l'un ou l'autre. Pendant 12 semaines, du coup, parce que c'est 2 mini en 6, il faut les lire au fur et à mesure qu'elles sortent dans l'ordre de sortie, c'est l'ordre de lecture. Voilà. Et House of X, c'est plutôt. Enfin, ça parle du présent des X-Men. Plutôt. Et Power of X va parler plutôt du futur, on va dire. Futur. Même si, bon, dans le premier, il y avait plusieurs strates, on va dire, temporelles. 3 ou 4. 4, oui, puisqu'il y avait celle présente, enfin, quelques pages. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, franchement. C'est un départ. Alors, il avait annoncé que ça allait être un titre, une saga qui allait marquer les mutants et Marvel avait bien martelé tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas mensonge quand même. Sur les deux premiers, franchement, c'est... Alors, peut-être qu'on est influencé par toutes les bouses qu'on a eues depuis des années sur le mutant qui était vraiment bas du front. Mais pour l'instant, les deux premiers épisodes sont vraiment excellents. Il n'y a rien à dire. En plus, graphiquement, Herb Silva, que j'avais trouvé moyen, moi, sur les séries X-Men qu'il avait fait. Je ne sais plus si c'était X-Men Blue ou X-Men... des quoi l'autre. Ne parlons plus de ça. J'avais trouvé que c'était franchement moyen. Là, je trouve qu'il s'est vraiment... Il a haussé son niveau. Il a fait des bons progrès, le monsieur. Et l'autre, c'est Pépé Larraz, qu'on connaît bien, quand même. Oui. Qui est vraiment très bon. Silva, c'est vraiment le Immonen... En devenir, je pense qu'il voulait dire. Oui, en devenir, c'est pas, oui, c'est vraiment le nouveau Immonen. Il a exactement le même style, les mêmes expressions. Ça présage du très très bon sur ce dessinateur. Et donc voilà, le House of X est un peu plus linéaire, enfin dans son écriture pour ce premier épisode en tout cas. Le Power of X est moins linéaire. Il y a plusieurs sections temporelles. Mais franchement, l'ambition est affichée, quoi, clairement. On sent que vraiment, il y a quelque chose de solide derrière et quelque chose d'ambitieux. Et ça, ça fait plaisir quand même. J'espère que jusqu'au bout, ça va tenir la route. Mais oui, pour l'instant. Oui, après, oui, il nous annonce. C'est comme il avait fait au début d'Avengers et New Avengers. Il les pose sur la table, on va dire, pour ne pas prononcer de vulgarité. Il les pose sur la table en disant, écoutez, les gars, je suis là, j'ai une histoire à raconter. Vous attendez pas à tout comprendre maintenant, parce que de toute façon, vous comprendrez rien maintenant. Et contentez-vous de me suivre. Oui, ceux qui n'ont pas aimé les Avengers de Hickman, c'est pas la peine d'y aller, hein, c'est pareil. On Hein. est parti sur quelque chose de similaire à les Fantastic Four de Hickman, les Avengers d'Hickman, maintenant on va voir les X-Men d'Hickman. Bon ben voilà, on est sur la même lignée, je pense, et pour le moment ça nous promet un voyage plutôt intéressant. Du coup, à quand le Spider-Man d'Hickman? Je perds déjà. Comment? Je transpire déjà. Ou le Daredevil d'Hickman, pourquoi pas? Enfin Là, bref, là, là. là on peut tout Ah, faire. pour l'instant, on a Chibzerski, c'est bien. Non, mais du C'est même côté, c'est vrai que du très coup, on bien. a. Oui, c'est vrai, clairement. Mais du coup, oui, c'est vrai, quand on dit. On pense du côté DC, les Teen Titans, The Geoff Jones, les Green Lantern, The Geoff Jones, enfin, dans cette ère moderne là, de DC, de ces 2 dernières décennies, on va dire. Le Flash de Geoff Jones et tout. Et on pourra bientôt commencer à faire la même chose avec Hickman du côté de Marvel. C'est cool. C'est Non, cool. c'est bien. Très bon début, en tout cas. Voilà du coup pour les House of et Power of qui sont donc lancés et bien lancés. Et puis Anthony, toi tu voulais nous parler d'Immortal Hulk pour commencer? Ouais. J'ai alors remarque auxiliaire, vous n'aurez plus de critiques de volume Panini librairie parce que pour faire très simple, c'est trop cher. Donc Donc voilà, là, il y aura. on est sur un triple événement dans cette émission. Le premier, c'est qu'on arrive à entendre des chroniques complètes de toi sans que ça coupe. Deuxième événement, Clément n'a pas encensé Jeff Lemire, il a dit c'est sympa. Et donc troisième événement, tu arrêtes la librairie Panini. La librairie Panini, oui, parce que une simple comparaison sur des sites marchands avec un grand A m'ont permis de constater que Panini mettait 2-3 euros en plus sur des titres, alors qu'en VO j'ai le même contenu et c'est plus fin et c'est souple. Donc vu que j'ai la chance de pouvoir lire en anglais, bah bon, Donc voilà. c'est clair. Et si tu les précommandes sur Arconia, tu les paierais même encore un peu moins cher, du coup, avec le bonus précommande. Effectivement, à voir plus tard, mais là, voilà, il n'y aura plus de critiques Panini sur le site. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est dit. Donc, j'ai pu, du coup, lire les 2 volumes suivants de Immortal Hulk, donc le 2 et le 3, sachant que le 2 est sorti là, incessamment, enfin, récemment, en VF, donc les remarques seront identiques, hein. Vous voulez vous rabattre sur la VF. Donc, après comment dire, l'introduction d'Ali Wing sur ce qu'est son Hulk à lui, on a forcément hein, le Hulk de Ali Wing face aux Avengers, avec toujours un maximum d'idées, un maximum de conséquences, puisque il va trouver une sorte de surnom, de sous-titre au Hulk, plutôt astucieux, qui va trouver une réponse du coup dans le volume 3, qui s'appelle Elle. Donc vous imaginez bien comment peut s'appeler ce nouveau Immortal Hulk, plutôt très astucieux. Est assez expédié puisque Thor, Cap et Iron Man sont rapidement mis dans les vapes, mais ce qui est super bien écrit, c'est quand il va se confronter à Jenny Hulk avec un dialogue et une manipulation sur l'essence même du monstre, qui est plutôt bien là aussi senti. Gros twist, très gros twist en milieu de volume, cette fois basculé sur le côté track du Hulk, qui est un autre aspect assez. Enfin, qui fait vraiment partie de la définition du Hulk. Donc, cette fois, pas par General Ross, mais par la Shadow Base et le Major, Capitaine, Colonel, je sais pas trop, Fortin, qui veut forcément étudier et mettre dans une cage le monstre pour pouvoir le contrôler. Ça va pas se passer très bien, et ça va se passer d'autant plus mal que Joey Bennett est un gros dégueulasse. Ouais. C'est vraiment, vraiment horrible ce qui va se passer dans ce complexe paramilitaire dont le gouvernement n'a finalement très peu de retour. Notamment une idée sur une double page. Alors, je ne sais pas si c'est très con ou magistral. Je ne sais pas trop. Vous savez très bien ce à quoi je fais référence. Ça marche. C'est vraiment. Et c'est macabre, c'est crasseux. C'est pas horrifique, mais c'est une sorte de body horror très pour un titre Marvel, et c'est d'autant plus étonnant que bah, que ça sort comme ça sans aucune annonce de, d'avertissement ou quoi ou d'autres messages sur les couvertures. C'est dire comment Marvel peut accepter une telle sortie. Maintenant, alléluia pour nous, c'est plutôt excellent. Dernière conclusion sur la Green Door, et on va avoir une réponse qui va me permettre d'enchaîner tout de suite sur le tome 3. Première critique, niveau continuité, Ali Wing va réutiliser l'homme absorbant, mi-récurrent du Hulk. Par contre, moi, la dernière fois que j'ai vu l'homme absorbant, il était détruit par Flèche Noire dans Black Bolt. Je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Et il revenait finalement à la fin et il se mettait en couple avec Titania. Est-ce que ça se passe avant? Enfin, il se remettait en couple puisqu'ils sont, ils sont amants. Je sais pas tellement où ça se passe, donc je suis un peu perdu niveau continuité homme absorbant, si on peut parler de continuité homme absorbant. Mais bon, voilà, point de détail, mais qu'il fallait adresser néanmoins. Et se termine sur l'intro et le titre même du volume 3 qui s'appelle Hulk in Hell, à prendre au pied de, du titre, puisque c'est véritablement Hulk qui est envoyé en enfer, rachitique, pour essayer de combattre The One Above, et on va avoir toutes les réponses à nos questions, qui vont trouver une réponse magistrale dans l'équation ultime de Ali Wing, qui est Hulk is Hulk, que j'apprécie. Un titre là aussi ponctué de passages bibliques en sous-texte et qui parsèment la lecture, qui forcément répondent aux événements qu'on y voit et qu'on y lit. C'est plutôt excellent. Il y a toujours ce côté cradingue au dessin de Joe Bennett qui, c'est pas très beau pour être tout à fait honnête, mais ça s'accorde parfaitement avec l'effroi biologique qu'est Immortal Hulk. Ça paraît complètement fou de dire ça, mais c'est le cas. La dernière partie du tome est assurée, enfin les dessins de la dernière partie du tome sont assurés par Rui Bellardino Brabo et Raphaël Fonteris, donc trois noms, trois inconnus. C'est moins percutant, moins vite que Joe Bennett. Je pense que c'est vraiment pour être là en tant que transition, pour laisser l'artiste récurrent se reposer malgré tout. Cette fois-ci, Ali Wing, donc après avoir fait le côté introductif, Alpha Flight, les Avengers, la traque du Hulk par des administrations militaires et le gros délire en enfer, eh ben on va avoir tout la Gamma Family, si je puis m'exprimer ainsi, avec oublié son nom, Samson, oula, Doc Samson, sa femme. Il va se passer quelque chose plutôt surprenant, qui devrait trouver des réponses, j'imagine, dans la suite. Et Rick Jones qui était disparu dans Secret Empire et qui ne l'est peut-être pas finalement. Donc, Immortal Hulk, ça fait pas mal de bons points. Une réinvention totale du personnage tout en cochant les cases. Retrouvé dans un comics Hulk, le dessin est dérangeant, crasseux, sans être forcément moche, plutôt agréable à l'œil malgré tout. C'est difficile de déconseiller Immortal Hulk, hein. On est sur du comics indé chez Marvel, avec un personnage qui récemment n'a pas su satisfaire nos attentes, puisque bon, Totally Awesome Hulk, terrible. Donc plutôt très satisfait, que ce soit en VO ou en VF, moi je joue Immortal Hulk. Eh bien, ouais, moi j'avais parlé du tome 2 dans le mois dernier, je crois, voilà, que j'avais aimé, mais un peu moins que le premier quand même. Après, j'ai hâte de voir effectivement le troisième, ce que ça donne. Je crois que mon TP arrive prochainement, la TP 3, ou alors je l'ai raté, je sais pas. J'ai dû le rater, puisque si tu l'as, c'est que oui, je l'ai raté, tu me diras. Me dis pas qu'il est en bas de ta pile quand même. Non, je l'ai pas du tout. Bon, non, quand même, je me rappellerai si je l'avais. Non, je ne l'ai pas. Donc, je pense que j'ai raté la préco. Donc, il faut que je me le prenne à l'occasion sur une de mes prochaines validations de chez Arconia. Là. Donc, j'y penserai parce que j'ai le 4 et le 5 dans mes listes. Là. D'ailleurs, pour indication, hein, le TP5 en précommande sur Arconia, c'est 12,22€. Et sensiblement presque 6€ de moins que Panini. Voilà. Petit, ah oui, petit tacle glissé par l'arrière. Moi je suis en single, la série, il n'y a pas de baisse de régime. C'est même, enfin, à chaque fois je dis ça, mais bon, c'est même encore meilleur, je crois. Il y a vraiment, vraiment des éléments de continuité qu'il incorpore, qui sont vraiment bien fichus, bien utilisés. Et à la lecture single, à chaque épisode, on est surpris, quoi. Il y a toujours un truc, un truc original. Suffisamment différent de tout ce qui se fait chez Marvel, et même d'un point de vue indépendant dans la sphère même du genre super-héros, pour être lu vraiment. Ah oui, c'est clair que pour du Marvel, ça surprend, quoi. Je vois vraiment pas de série équivalente avec des dans le genre super-héros qui m'arrive en tête pour essayer d'affilier des noms à ce comics-là. Vraiment. À l'heure actuelle, non, je ne pense pas, effectivement. On va continuer chez Marvel. Du coup, bah, je crois que c'est... Ah non, ça va être pour Boris, tiens. Boris qui lit toujours Guardians of the Galaxy by Donny Cates, dont on parle un petit peu moins ces derniers temps, le père Cates. Est-ce que les Guardians, ça te plaît toujours? Moi, perso, j'ai arrêté au bout de 3 numéros ou 4, je ne sais plus. Ouais, si je continue, on est au 7 maintenant. Ouais. Effectivement, le premier arc était pas mal, mais c'était pas ce qu'avait fait de mieux Donny Cates. Je trouvais qu'il n'y avait pas sa patte, qu'il manquait le petit truc qui faisait le charme des autres séries, la folie, quoi, on va dire, qui faisait le charme des autres séries. Bon, j'ai continué quand même. Là, le changement, c'est que maintenant au dessin, c'est Corey Smith et non plus. Comment s'appelle-t-il? Jeff Shaw, qui va faire une série avec Donny Cates, a priori. Mais au dessin, ça tient la route. Différent, mais c'est très bon. Corey Smith, c'est un très bon dessinateur. Donc là, c'est un nouvel arc. Donc là, l'équipe des gardiens s'est un peu réduite suite à la fin du premier arc. Il y a eu quelques éliminations. C'est une équipe restreinte, mais avec des personnages... connu et qu'on a envie de suivre. Voilà, il y a pas, ça fait pas superflu, ça fait pas voilà des personnages qu'on connaît, qu'on n'avait pas forcément envie de suivre dans cette équipe. Donc là, il y a le Nova Corps qui s'occupe d'un vaisseau qui est apparu d'un seul coup dans l'espace et puis bah le vaisseau le règle ils zigouillent tout le Nova Corps et donc on appelle comment s'appelle-t-il, Peter Quill, à la rescousse. Et donc, il va aller voir ce qui se passe. Et évidemment, il va y avoir des surprises en lien avec sa touche au personnel. Cet épisode est bien mieux écrit, je trouve, que tout l'arc entier précédent. Là, on sent vraiment qu'il a pris ses marques et maintenant, il, comme si, parce qu'il a subi un peu le crossover des gardiens avant. Voilà, j'ai oublié, Infinity Wars. Qui n'était pas d'une qualité extrême quand même. Et il a subi les conséquences, je crois, et qu'il est dans le premier arc, il a été obligé un peu de faire avec et de régler le problème Thanos. Et maintenant, je pense qu'il se lance dans ce qu'il a envie de lui décrire. Et ça se sent, je trouve. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. Le cliffhanger est énorme. Voilà, c'est un peu annoncé évidemment par les sollicitations Marvel ou par la cover. Comme d'habitude, ils gâchent le plaisir, il ne faut pas les lire. Mais non, c'est un bon début d'arc, je continue. Je persiste et signe. Une remarque. Comment ? J'ai pas compris. Une remarque, enfin une question surtout. Ouais. Est-ce que ce gardien-là, est-ce que ce serait pas finalement le premier titre d'équipe de Donny Cates ? Alors réfléchissons. C'est si tu enlèves, si tu enlèves Death of Humans, ce qui était un titre un peu choral, oui. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ça ne viendrait pas de ça, le côté. Enfin, on aurait vraiment frontalement le ce qu'on rate un peu au hasard, c'est-à-dire gérer une équipe, c'est pas la même chose que gérer un titre Thanos ou un titre Cosmic Ghost Rider. Bah ça, on peut demander à Jeff Lemire aussi. Hein. C'est le bon exemple pour ça. Oui, c'est possible. C'est peut-être pour ça que le premier arc, moi j'avais mis ça sur le compte du fait qu'il fallait qu'il gère le problème Thanos et qu'il se débrouille avec. Parce que j'avais trouvé que la fin du premier arc, justement, il avait géré ça un peu vite fait. Voilà. C'était un peu dommage. Et là, il y a une équipe vraiment restreinte, ce que je disais. Donc peut-être qu'effectivement, il se débrouille mieux avec peu de personnages. Et c'est centré sur Peter Quill et je pense que ça va être plus sympa à lire effectivement. C'est peut-être ça aussi. Tu as peut-être soulevé le loup. J'ai pas lu le Guardians encore. Je le lirai sans doute en TP du coup. Mais voilà, peut-être qu'on a un aperçu des premières limites de Cates qui reste malgré tout un jeune auteur, même si celui-ci enchaîne les réussites. C'est quand même en dessous de toute façon de Venom. Ce qu'il a fait, mais là c'est mieux. Donc toujours sympa. Voilà. Ok, il ne nous reste plus qu'à entendre Anthony parler de cette trie et on en aura terminé avec ses chroniques du mois d'août. Alors, Sentry, pareil, c'est un titre que j'ai lu en VO qui est sorti en VF, donc la critique très équivalente. Donc, Jeff Lemire chez Marvel, c'est un peu compliqué. Il y a du très bon, voire même du très très bon, voire même du culte, à savoir Moon Knight, qui est moi l'une des meilleures séries que j'ai lues chez Marvel. Peut-être même meilleure que la version de Warren Ellis, je pense. Il y a ensuite du bon, à savoir All New Hawkeye, qui pareil, est dans la continuité de ce qu'avait fait Matt Fraction, mais avec, ouais, avec la patte émotion, ce qui n'est pas rien. Et puis on a du très très mauvais, hein, à savoir IVX, puis Extraordinary X-Men. Donc, et puis Thanos, oh oui, Thanos, ne l'oublions pas, qui est l'une des pires chiasses que j'ai lues chez Marvel. Thanos par Jeff Lemire, c'est atroce à lire, je trouve, c'est un avis personnel. Je pense que voilà, quand Jeff Lemire est écrasé par le poids d'un nom et surtout quand tu dois avoir l'éditeur derrière pouce, c'est pas super simple. Donc là, sur Sentry, d'autant plus que sur Sentry, c'est un titre qui est post-Black Hammer et je pense que ça a son importance puisque Lemire revient sur le super-héros peut-être le plus le super-héros à cape Marvel, peut-être le plus hommage du casting Marvel. S'il fait l'effort, enfin Jeff, de nous inscrire ça dans la continuité, puisque ça se passe après le Docteur Strange, du coup de Donny Cates, qui voyait le personnage libérer Sentry de son espèce de micro-univers dans lequel il était piégé. À la fin de Docteur Strange, Sentry partait et menaçait Stephen Strange de. Et donc, du coup, Jeff Lemire prend la suite directe de ça. Finalement, Docteur Strange et Sentry ont l'air de s'être réconciliés puisque le Sorcier Suprême lui a construit Constructor, qui est un sort de cube quantique dans lequel Sentry peut purger son pouvoir et se réfugier dans un univers de poche, voilà, se purger de sa partie maléfique, The Void. Au détail près que dans cette petite poche univers, Bob Reynolds rejoint une sorte de Shazam Family, à savoir le Sentry Boy et Sentry Girl. Ils ont des noms, je ne m'en souviens plus et je n'ai pas le temps d'aller chercher dans le comics. Bien évidemment, ça va mal se passer. Le constructeur va être volé. Réponse dans les numéros. Pourquoi il y aura la réponse dans les numéros. Et on va un peu voir comment Sentry va de nouveau son et avec The Void. Est-ce que Jeff Lemire va apporter une réponse définitive à l'affrontement interne monde à nous, enfin dans leur monde à eux, Sentry The Void, tout sera adressé, sachant que c'est une mini-série en, je regarde ça tout de suite, en 5 numéros. Donc les 5 numéros sont complets. Il peut y avoir cet effet de rush, notamment sur la fin. Il y a un petit twist à la toute fin, à la fin du quatrième numéro, qui aurait vraiment mérité d'avoir une seconde mini-série. J'espère qu'il va falloir forcément en parler à un moment ou à un autre. Et là, je vois bien Jerry Duggan reprendre la main, puisque c'est un auteur qui sait reprendre les cases vides de ses prédécesseurs. Mais voilà, il se passe quelque chose et il va falloir qu'on adresse le problème. Mais dans tous les cas, il est présent. Mais on ne peut pas reprocher à Jeff Lemire de ne pas de s'être embourbé dans ce personnage. Il a un début. Ce début, il est basé sur une continuité bien établie. Il a une fin qui se termine en qui laisse la porte ouverte largement pour une histoire à écrire encore. Plus, il profite du côté Silver Age de Black Hammer pour l'infuser dans son Sentry, qui marche parfaitement bien. Il marche parfaitement bien. On a vraiment l'impression de lire du Jupiter's Legacy, voilà, où c'est toutes ces figures du Superman like, ces dérivés de Superman version sauce indépendante. C'est globalement ce que vous lirez ici, nettement bien, avec des ennemis tout aussi pulp que ce à quoi on peut s'attendre. Sachant qu'au dessin, c'est du Kim Jacinto et du Joshua Cassara. Alors, Kim Jacinto, on l'avait vu sur Uncanny Avengers, qui avait un style très Olivier Coipel. Là, il dévie Matteo Scalera, tout en gardant les cadrages avec des personnages qui sortent des cases à la Olivier Coipel, donc ça marche plutôt très bien. Et Joshua Cassara a, lui, plutôt l'empreinte Chaud Cristal, qu'on avait vu notamment sur un titre Illuminati il y a quelque temps. Donc, graphiquement, c'est pareil, ça tient la route, c'est inventif quand il faut l'être et respectueux quand il le faut aussi. Il y a des pages qui cartonnent pas mal, notamment sur la fin, des pleines pages, des doubles pages qui, voilà, avec de l'impact, avec de l'expressivité, du caractère quand il faut. Donc, c'est du tout bon là aussi. C'est en 6 numéros, il y a un tome complet. VFVO, ultra conseillé. Parfait, tout ça. Et bien voilà, on a terminé notre voyage à travers nos dernières lectures VO, VF et même une petite série télé au passage. On va se tourner en 2 minutes chrono vers l'avenir et voir un petit peu ce qu'il nous reste à lire et de quoi on va parler du coup la prochaine fois. Quelles sont nos attentes et de voilà sur quoi on va se pencher maintenant, Clément. Bonne question. Franchement, je ne sais pas. Je pose toujours des bonnes questions. Hormis les séries habituelles, je ne sais pas. Peut-être que d'ici là, j'aurais commencé à lire The Boys. Donc, peut-être. Franchement, non, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas autant octobre. Bon, bah, il y aura toutes là les séries qui ont pas mal de séries qui ont été annoncées que je vais lire, mais alors en septembre. Bon, déjà en août, hein, tu sais, on est que début août. C'est vrai. Ouais, mais non, même. Là, il n'y a pas même la VF. Y a toi, t'es comme la France. Le mois d'août n'existe pas. Tu t'arrêtes. Non, mais non. Enfin, si, je m'arrête de lire des comics au mois d'août, oui, parce que je ne vais pas chez mon libraire, mais... Ok. Et toi, Boris ? Alors, moi, en VO, pas trop de nouveautés au mois d'août. C'est surtout la suite de pas mal de séries que je suis. Et s'il y a le TP quand même de Skyward, une série que je suis, qui c'est le dernier TP, volume 3, que j'attends avec impatience, parce que j'aime beaucoup cette série. Ça, c'est pour la VO. Le reste, c'est des séries... que je suis d'habitude. Pour la VF, il y a le New Teen Titans de Mark Wolfman et George Perez, mm-hmm. qui arrive chez Urban, là. Ça me tente bien, quand même, de découvrir ça. Un petit morceau. Voilà, ouais. Et qui... Là, c'est le tome 1. Le tome 2 sort dès le mois de décembre. Et je crois que c'est en 3 tomes, je crois. Donc, ça veut dire qu'on aura... J'ai pas suivi le découpage. Ouais, on aura peut-être tout assez rapidement, parce que c'est quand même la spécialité d'Urban de lancer des séries vintage, on va dire. Et puis, bah, si ça se vend pas forcément, bah, on a le tome 1, peut-être le tome 2, puis on a plus la suite. Donc, ça, mm-hmm. là, ça devrait. Voilà, l'enchaînement laisse penser que ça va être vite conclu. Il y a la série Shadowman chez Bliss. C'est l'intégralité du run 2. Comment s'appelle-t-il, Andy Deagle. Donc, je vais sans doute aller voir ça. Et il y a une nouvelle intégrale Hulk. Alors là, je ne la prendrai pas en VF. Je suis passé à la VO pour les Epic Collection en suivant ton conseil, Mathieu. Elles sont pas mal. Hein. Puisque c'est la même chose en moins cher. Donc, la même chose et parfois plus. Hein. Non, enfin, la même chose. Parce que tu as une année complète au moins, oui, dans un Epic Collection, oui, alors que dans les intégrales, pas toujours. C'est le même programme, le même déroulé, on va dire, mais il y a plus de choses. Et pour moins cher en général. Mais bon, ça fait partie des lectures qui m'intéressent. Ça, c'est pour le mois d'août. Voilà, c'est tout. Et toi, Anthony ? Moi, j'ai du Docteur Strange par Mark Waid. Mm-hmm. En VO, toujours. J'en ai entendu du bien, donc j'ai pris le TP. On va voir ce que... Sans doute une review écrite. Death of Inhumans, forcément. Mm-hmm. Bon, review écrite de prévu. J'espère atteindre l'épiphanie avec Daredevil volume 7 et volume 8 de Charles Cole. Ah là là, le bonheur qui t'attend. J'espère une sorte de révélation aveugle. Voilà, j'en attends énormément de ce 604. Tu vas kiffer. Bah, voilà, je les ai ouverts tout à l'heure. Le volume 8 est intégralement dessiné par Finotto, donc ce sera au moins l'assurance. Ah, il est beau. Cet arc est beau. Ouais, à défaut d'être bon, il est beau. Déjà ça. Et donc forcément les mensuels Panini, parce que je suis un putain de pigeon. Bah, tu commences à guérir, tu es sur la voie de la guérison, tu as arrêté la librairie, après chaque chose en son temps, tu n'es pas prêt pour tout arrêter d'un coup. Non, pas encore, mais ça fait son chemin dans mon cervelet petit à petit. Et je tenterai bien un compendium volume 1 d'Invincible d'ici fin août. Ah, et alors là, tu serais brillamment inspiré, oui. Ouais, tu sais, là tu t'embarques pour des heures et des heures de plaisir. Bon, ouais, du kiff, du kiff. Tu t'enchaînes, écoute, un petit Daredevil, tome 7, tu topes un petit compendium d'Invincible derrière, ou alors là tu vas passer le meilleur mois d'août du monde, je peux lire n'importe quoi, je te concurrence pas. D'accord. Non, c'est Invincible, c'est géant, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que le compendium... c'est pas pratique à manipuler, mais c'est un format quand même hyper économique pour pouvoir se lire des séries qui ont été assez longues, c'est cool. C'est ça, pour avoir essayé un peu de lire en numérique, je suis depuis tout petit un amoureux du format papier, ça ne passera jamais. Mais puis voilà, j'en suis arrivé à un constat que voir Spider-Man qui a toujours un pige tous les 3 ans, j'ai du mal. Faut lire Spider-Man Life Story. Là, au moins, tu vas le voir vieillir. Le TP devrait pas tarder en plus, puisque le numéro 6 du coup sort au mois d'août, et c'est peut-être la chose que j'attends, la lecture que j'attends le plus sur le mois d'août. C'est le dernier numéro 6 sur 6 de Spider-Man Life Story avec les années 2010 cette fois-ci, et on le voit arriver, hein. On va être triste à la fin, je pense. Et puis du côté de début août, pour ce qui est de la VO, pour moi, la nouvelle série, l'émir Deodato, Berserker Unbound, numéro 1 sur 4 chez Dark Horse. Voilà, moi j'ai vu ça, mais j'ai vu des visuels, ça me tente pas du tout. Écoute, c'est un pourquoi pas, c'est un pour tester là, voilà, c'est pour tester. Ouais. Je l'attends pas énormément, soit un nouveau projet, l'émir, Dark Horse, bon allez, je vais voir quoi. Au moins je teste, après j'aurai aucun scrupule à arrêter après le premier numéro si ça me plaît pas. Mais non, vraiment le dernier épisode là de Life Story, ça va être mon point culminant du mois d'août, alors là, à n'en pas douter. Mois d'août qui devrait être occupé encore avec quelques petits singles en retard, j'ai quand même quelques trucs voilà, qui y étaient, dit moins de lecture pour moi, mais j'ai quand même autant de commandes, donc il faut quand même que je les rattrape. Et puis peut-être un autre point d'orgue avec le tome 3 de la Justice League de Snyder que j'ai en TPB là qui attend. Enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Rapidement, vous avez pensé quoi? Le tome 2 ouais, le crossover avec quoi? Ah, Drowned Earth. C'était très blockbuster. C'était vraiment le blockbuster d'action, le crossover de l'été quoi. Ça faisait vraiment ça, vraiment le crossover de l'été. C'était pas mauvais, franchement, hein, c'était pas désagréable à lire. Les pages s'enchaînaient super vite, enfin ça se lisait bien. Après voilà, ça fait quelques mois que je l'ai lu, j'en ai plus aucun souvenir. C'est vite lu avec plaisir, mais super vite oublié. J'ai vaguement l'intrigue là en tête qui me revient plus j'essaye de me forcer et tout. Mais après voilà, c'est ça qui est dommage du coup sur ce début de run de Justice League, c'est que du coup je sais que j'ai bien aimé. Maintenant ce qui s'est passé, je lirai le récap quoi, parce qu'effectivement c'est très loin. Après voilà, si au moins je passe un bon moment de lecture, c'est déjà ça. Et bien voilà pour cette émission du mois d'août. Il nous reste à plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'été quand on se retrouvera. La rentrée aura eu lieu et du coup moi je serai en vacances. Chacun son tour et j'aurai donc à mon tour tout loisir de lire des comics. Et ça n'a pas de prix, surtout avec tout ce qui va sortir en septembre. Il y a pas mal de choses intéressantes, donc très bien. Sur ce, bonne lecture, bonne série, The Boys. Apparemment, il faut regarder ça, donc je vais m'y mettre aussi au mois d'août. Et puis on se retrouve au mois de septembre. À bientôt. Salut. Salut. Merci de m'avoir entendu.